Franchement, c'est chambé, hein. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut dedans, mais là, il faut que je vous parle des chansons de Noël. Jingle bells, dangereuses. Jingle bells, exactement, jingle ce genre de chansons. J'en connais une qui déteste ça dans le ce crooner. Elle est trop bien. Non, j'adore. Alors, je vais te dire un truc. Je pense que je suis la plus cliente de Noël du monde entier parce que j'adore regarder les téléfilms de Noël. J'adore faire les achats de Noël, les décos de Noël. Mais je suis désolée, j'aime pas Michael Bublé. Elle est bien. Non, si, elle est bien. Tu sais pourquoi est-ce que je regardais la série Nip Tuck à une époque et je crois qu'il y a un des tueurs qui ressemble à Michael Bublé. Et depuis, je suis fermée. Ouais, mais... alors, je change de musique alors. Ok. Même ça, c'est la référence. Bon. Et bien, d'après les psychologues, les musiques de Noël peuvent être nocives pour la santé. Alors, les premières personnes concernées, c'est qui? C'est ceux qui travaillent dans les grands magasins, puisqu'en fait, à force d'en avoir toute la journée, ils doivent se concentrer pour ne plus les entendre, ce qui aurait un impact négatif sur leur morale et leur santé, les pauvres. C'est-à-dire toute la journée, ils entendent ça, ils en peuvent plus, ils doivent se concentrer, etc. Et du coup, ils sont à cran, ils sont pas bien, et ils peuvent développer des dépressions. Et en plus, ils disent que les musiques de Noël peuvent rappeler de mauvais souvenirs, évoquer la tristesse, la solitude, plus que la joie ou autre. Oui, c'est sûr que si t'es pas entouré et tout ça, c'est difficile. Mais tu penses à toi, au gars qui bosse chez Disneyland Paris dans la maison des poupées? Ouais. Il doit péter un plomb, lui. Il y a ça, et non, dans ce cas-là, c'est partout pareil. Ceux qui bossent en parfumerie, que ce soit Sephora, Marionneau, n'importe, les odeurs, c'est insupportable. C'est pareil, ça te rend marteau. Ouais. Les odeurs de parfum. Ouais. Excusez-moi pour l'expression, ça te rend marteau, je retire ce que j'ai dit. Ça y est, tu deviens folle aussi. Là, je l'enterre dans le cimetière des mots, ça ne se dit plus. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours comme ça. En fait, quand c'est trop, c'est trop. Et je peux comprendre, là, les gens Non, quand c'est trop, c'est trop, Pico. Je mets cette blague dans le cimetière des blagues. Non, je te jure, mais faut pas la faire dès le début, en fait. Franchement. Je sais, tu m'as regardé. Je suis sûr que c'était toi qui allais la faire. Ouais. Un gosse. Tout ça pour dire que si c'est votre cas, si vous bossez dans des boutiques, des magasins, des lieux où c'est chansons de Noël toute la journée, on est avec vous, on vous soutient. Essayez de faire abstraction, essayez de vous concentrer sur autre chose. Courage, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Et désolé pour ces blagues terribles. Pablo, t'as interdit le micro pendant 30 secondes. Ah ça va, la fille, tranquille, hein. Ça y est, je suis là. La meuf, elle va avoir des enfants plus tard, c'est des punitions pétées, quoi. Bon, est-ce qu'on offre du bonheur? On offre du bonheur. C'est vrai, c'est un cadeau de malade. T'as déjà eu ça, toi, comme cadeau? Oui. Deux fois. Là vraiment, on vous offre le pack YouTubeur pour démarrer. Ça vient d'Avermedia, c'est le fournisseur des YouTubeurs pour l'enregistrement, le streaming de leurs vidéos sur YouTube et Twitch. Donc forcément, tu vois, les Cyprien, les Squeezie, tout ça, ils utilisent ce genre de matos. Boîtier, filmeur, enregistreur en full HD et puis le microphone aussi. Franchement, ça vaut quasiment 200 balles l'histoire. Bon, alors j'espère qu'on est tombé sur quelqu'un dans le tirage au sort qui a vraiment envie de se lancer sur YouTube. T'imagines quelqu'un qui veut pas du tout. Con. Bah après, parce que oui, s'ils sont inscrits. Ça reste de quoi te filmer et t'enregistrer. Donc, Oui, allô? Benjamin? Oui. Non, c'est pas Benjamin, ça. Tu n'as pas une voix de Benjamin? Bah si. C'était un problème. Benjamin, on t'appelle d'où, là? T'habites où? À Metz. À Metz, d'accord. T'écoutes le Night Show depuis longtemps? Depuis 3 ans. Ah, ça c'est un fidèle auditeur. Et ce soir, tu t'es dit, je vais m'inscrire. Totalement. Et est-ce que t'as toujours de la neige à Metz, Benjamin? Parce que Alice de Love in Fun, elle a un peu galéré ce week-end. Ah là, il y en a encore un peu dans mon jardin. Ah, c'est sympa ça, pour faire des... Mais elle était dans ton jardin d'ailleurs. Benjamin, t'as une chaîne YouTube ou pas encore, toi? Non, j'ai une chaîne Twitch. D'accord, et donc t'as envie de te lancer, de te filmer, de faire des vidéos? Totalement. Et t'as un concept? Totalement pas. Ouais, recevoir des dons. Le gaming. Ouais, le gaming. franchement, Benjamin, tu vas kiffer. C'est un magnifique cadeau. On t'envoie le pack pour commencer sur YouTube à la maison. Bravo! Bravo! Je savais bien que c'était pas un Benjamin. Le gars, c'est une sirène. Ouais. Joli cri, Benji. Merci. On t'envoie tout ça à la maison. On t'embrasse, Benjamin. D'accord, merci. Bisous. La grande bise. Et ne soyez pas déçus, on va en offrir d'autres cette semaine, que ce soit les enceintes ou le pack YouTube. Franchement, c'est full cadeau cette semaine dans le Late Show, donc vous pourrez vous réinscrire dès demain. Bien sûr, puisque dans une semaine, ça y est, nous y serons, ce sera la Noël. Allez, tiens, jingle bells, jingle all the way. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que Michael Bublé, au bout d'un moment, t'as l'impression que tout va tout le temps bien dans sa vie, en fait. C'est pas possible. C'est vrai. T'as l'impression qu'il va à Bourg, il fait bonjour madame, j'aimerais une baguette, mais pas trop cuisse. Et tout le saoule, en fait. Bon, franchement, je suis pas d'accord. Si, si, je comprends. Franchement, les gens qui sont trop heureux, au bout d'un moment, ça te saoule. Ces enculés. C'est cassif. Non mais attends, il a l'air hyper solaire, hyper sympathique ce Michael. Hyper solaire. Non mais j'en doute pas, je ne le connais pas, c'est vraiment un pur jugement que je pose, mais je l'imagine tout le temps en train de claquer des doigts comme se swinguer quoi. J'aimerais tellement qu'un jour ce soit l'invité d'une émission sur Fun Radio et qu'on lui ressorte ce moment. Ça m'étonnerait, hein, question DJ, c'est pas le meilleur. Karel Doc et Alice, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors Alice, c'est vrai qu'on a été très inquiète. Hein. Non mais ça va, hein, je m'en suis sortie, mais c'est vrai que j'étais dans un village, enfin chez moi, dans un village un peu paumé, donc plein de neige, pas moyen de s'en sortir. Voilà quoi. C'était une sacrée épopée. Exactement, une aventure humaine. Et est-ce qu'elle s'est bien passée cette soirée, du coup, émission en amoureux, Doc et Karel? Oui, bah. Voilà, qui faisait la femme, donc on s'est mis d'accord dès le départ et non ça s'est plutôt bien. Sortir des stéréotypes, on t'a dit. Bah, voilà. C'est vrai. Mais alors, je voulais revenir sur quelque chose. Vous avez offert quoi là il y a quelques minutes? Un pack YouTube. Un pack YouTube. Ouais, c'est pour commencer sur YouTube. Ouais, t'as un filmeur, enregistreur, un micro et tout ça, là, que du bon matos pour démarrer sur le YouTube game. J'ai l'impression qu'on se fait niquer sur les cadeaux dans notre émission. Pourquoi? Parce que nous, on a un mini drone. Ah bah c'est super un mini drone. C'est vrai. Bah oui, c'est j'ai l'impression que le pack YouTube, c'est quand même. En vrai, c'est super, mais tu te fais niquer. Voilà, merci. Eh bien, nous ne l'offrirons plus. Nous offrirons un pack YouTube également ce soir dans le Vin Fun. Ça commence là au 01 42 48 5000. On en offre 50 pour les 50 premiers. À partir du moment où je l'ai dit à la radio, voilà, vous pouvez vous retourner, vous pouvez mettre aller au tribunal avec Fun Radio, puisque l'animateur, c'est le mec qui pète un câble. Attends, j'annule le jeu. C'est bon. Mais arrête, c'est chambé les drones et surtout on va vous écouter là jusqu'à minuit, toute l'équipe. Bonne émission. Je relance le jeu. C'est parti. Allez, au revoir. Bisous les chats. À demain. Merci beaucoup. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Radio. 50 téléviseurs HD 4K à gagner ce soir dans Love in Fun. Bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et c'est pas ici que vous allez gagner des cadeaux. Mais ici, vous allez pouvoir vous lâcher. Vous allez pouvoir dire tout ce que vous avez sur le cœur. Et on vous régale quand même avec pas mal de petites choses hein, dans l'émission, avec le pack Love in Fun, avec les boules de Noël à l'intérieur. Mais ça vaut tous les cadeaux du monde. Grave. Tu sais, c'est souvent quand c'est la période des fêtes comme ça, on est tous en train de penser à des cadeaux qu'on pourrait faire. Hein, et parfois on pense que parce qu'on va mettre un peu plus d'argent, on va faire un beau cadeau. Alors que souvent les petites conneries à 2-3 euros, hein, c'est souvent, enfin peut-être un petit peu plus. Hein, mais j'écoute, je veux voir. Tu sens ou pas le radin? Ça c'est. Non, par exemple, moi je dois offrir un cadeau à Cassim. Ouais. À Cassim, parce que on doit tous s'offrir des cadeaux là. Un bouchon avec un fil, comme pour les chats. Ouais, non mais voilà. D'ailleurs, Doc, toi tu dois offrir un cadeau à Jérôme qui s'occupe des jingles. Hein. Ouais, c'est ça. À Alice, tu dois offrir un cadeau à. À Clara qui s'occupe de toutes les créas de l'émission. Voilà. Et Clara, bien sûr, est tombée sur toi, j'imagine. Oui, comme par hasard. Le truc n'est pas du tout truqué. Hein. Non, on n'avouera jamais. On les ouvrira jeudi, justement, pendant l'émission, jeudi soir, la dernière de Love in Fun, avant les vacances. Et la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer pour démarrer cette émission, c'est qu'on sera en best-of toute la semaine prochaine. Eh ouais. Les meilleurs moments de Love in Fun, on vous présentera tout ça et on va passer clairement du bon temps avec vous toutes pendant les fêtes de fin d'année. Bonsoir Doc. Bonsoir. Bonsoir Doc. Doc, on apprend un petit peu plus à le connaître hein, chaque jour. Parce que c'est vrai que voilà, ça fait que quelques mois qu'on se connaît. Il nous a raconté quand il a passé 7 ans au Tibet à méditer et à faire des partous pour apprendre le Kama Sutra. Et ça, Doc. T'as appris ça où? Tu nous en as parlé tout à l'heure. Hein, donc ne commence pas à revenir sur tes propos. Et Alice a regardé Miss France ce week-end. Voilà, sans transition. Oui, exactement. Alors Alice avait pronostiqué. J'avais pronostiqué Miss Tahiti et Franche-Comté quand même dans le top 3. Ouais. Et voilà, elle a été deuxième dauphine, j'étais pas loin, Miss Tahiti a été quand même Miss France. Voilà quoi. Est-ce qu'on n'a pas la plus belle Miss France qu'on ait eue depuis ces dernières années? Elle est magnifique, ouais, j'adore. Franchement, Elle était l'invitée de Bruno ce matin, donc ah, Bruno oui. dans la radio, n'hésitez pas à aller voir les replays. En plus, elle chante et tout quoi. Oui, il y a eu un Facebook Live justement sur le Facebook de Fun Radio, on la voit, elle prend sa guitare, elle chante, elle est au top. Ah voilà. Elle est parfaite. Franchement, non mais c'est vrai, elle est vraiment super belle. Oui. Mais bon, merci Cassim pour cette petite musique. De rien. Ça va Cassim? C'est Miss France. Hein. C'est... T'as regardé ou pas toi? Ah ouais, franchement, je me suis limite un peu... Oh non, Cassim. Bah attends, t'as 39 hyper bonnes qui défilent en maillot de bain. Forcément, tu te paluches, normal quoi. Non mais attends, et en plus, on est allé sur un site et tout qu'on ne nommera pas, et on peut les voir seins nus et tout. Il y a eu des indiscrétions, c'est passé moi, sur j'ai TF1. Pas été, hein. Ouais, j'ai mis pause moi pour regarder un peu plus. C'est vrai qu'elle a des tétés qui étaient mignons. Oh non, mais c'est on, pas pas des tétés. On ne regarde pas. Des boobs. Coco et Méloche qui décrochent le standard toute la soirée. Ça va les amis? Ouais. Salut. Salut. Ouais. Vous avez un truc à dire aujourd'hui ou pas? Ah non, c'est bon, je me tais. À chaque fois que je parle, tu me dis tais-toi. Oh, n'importe quoi. Oh la victime. Oh la victime. Non, mais ça n'existe pas. C'est vrai? Bah oui, à chaque fois que je parle et je raconte ma vie, tu me fais je t'ai pas demandé. Non, c'est faux. Si, c'est vrai ça. C'est parce que je t'aime bien. Ah, je sais, des fois, tu nous racontes n'importe quoi aussi. Non, mais je voulais vous raconter mon week-end. Alors, ce week-end, dimanche, je suis allé manger chez Cassim, tu vois. Ok, alors, ferme ta gueule. Alors, on va accueillir Sam, il a 17 ans, il est d'Evreux. Bonsoir, Sam. Bonsoir, Karel. Bonsoir, Alice, ça va? Bah, salut. Ça va bien. Alors, je me mets à la place de tous ceux qui viennent. Pardon, Sam? J'ai dit vous allez bien. Mais oui, ça va bien, Sam. On est très content de t'avoir sur l'antenne. Et d'ailleurs, je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent. Voilà, Sam, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est Love in Fun? Alors, Love in Fun, c'est une émission qui parle principalement de cul. On va pas se cacher. Non, mais c'est pas vrai. Pas que, franchement. On parle de tout. C'est vous qui parlez de cul. En fait. C'est vrai, vous les auditeurs qui nous appelez. Non, c'est une émission en fait en libre antenne, c'est-à-dire que toute personne qui a envie de parler d'un sujet, que ce soit de cul, que ce soit au niveau problèmes familiaux, de tout sujet en fait, c'est une antenne libre. Ouais, tout et à fait. Vous pouvez appeler et puis voilà, vous en discutez et puis ça vous aidera quoi, très clairement. Donc, Ouais, c'est pas seulement ça va aider, c'est également tu vois la possibilité pour tous ceux qui écoutent de pouvoir aussi réagir et venir sur l'antenne, tu vois, c'est il y a pas que nous tu vois qui donnons des conseils, c'est les conseils de tout le monde. Mais on parle quand même beaucoup de cul. Ouais, c'est clair. Mais on aime quand même parler beaucoup de Puck Doc est là d'ailleurs hein, c'est lui l'instigateur du truc hein. C'est ça. Ah ouais, non, c'est vrai. Et alors Sam, on écoute aussi du son dans l'émission. Ce soir. Bah oui. Ce soir, on va se faire plaisir avec ça. Oh là là, du lourd. Ouh là là. Ouh, c'est bon ça, Gaolin. Ah ouais. Ah avec ouais, Moonlight, il y aura aussi Major Lazer. Pour faire danser Alice dans les studios. Femradio.fr, on est filmé, on est en streaming tous les soirs. Ah ouais. Loud Luxury avec Body. T'aimes ça, Sam hein? Bah oui, je suis DJ, donc oui. Sam le DJ à Évreux. Yes. Dans l'émission avec vous tous, vous toutes, le numéro de téléphone pour nous appeler le 01 42 48 5000. Sam, t'es avec nous pour une bonne raison, tu veux nous parler d'un de tes potes. Ouais, bah alors en fait c'est compliqué, c'est-à-dire que moi j'ai ma meilleure amie qui s'appelle Cassandre, qui a 17 ans aussi, qui a mon âge, et donc elle vient d'Evreux aussi, et donc ça fait peut-être maintenant 2 ans qu'on se connaît, et c'est une relation assez compliquée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs côtés ambigus dans cette relation en fait. C'est-à-dire, c'est ta meilleure amie, mais t'as toujours voulu faire des trucs avec elle. De mon côté, clairement, ouais, c'est ça. De mon côté, j'ai toujours voulu, elle m'a toujours attiré plus que tout, en fait. Donc, c'est vrai que ça a toujours été compliqué. Ok. Et le problème, c'est que il y a 2 semaines, tout se passait bien. Enfin, ça marchait comme sur des roulettes, on discutait de tout, de rien, il n'y a aucun souci. Et du jour au lendemain, aucune nouvelle, aucune réponse. Elle me lâchait des vues sur Instagram, enfin des appels sans réponse et sans aucune raison. C'est-à-dire que je comprends même pas à l'heure actuelle pourquoi elle ne me répond plus. Et tu la vois pas au bahut dans ta ville, non? Ouais, même pas, non, même pas, mais même pas quoi. Donc c'est vrai que ça me fait chier, enfin ça m'embête quoi. Donc, mais il y a pas de raison alors. Bah non, j'aimerais vraiment savoir la raison. C'est clairement pour ça que je vous appelle et pour vous m'aider parce que là. Mais t'as essayé de l'appeler chez ses parents? Ouais, j'essaie de téléphoner, ça répond pas. Et en fait, à un moment donné, j'ai envoyé un message sur Instagram parce que j'ai vu qu'elle était active. Et donc, j'ai vu une réponse de son compte et je lui dis c'est qui. Et en fait, c'était sa meilleure amie qui avait son compte, soi-disant. Et donc, elle me dit oui, Cassandre, elle va bien, mais elle n'a plus son téléphone. Donc, j'ai pas compris, donc c'est vrai que c'est un peu... Oh, la grosse feinte. Et t'es pas allé chez elle? T'as pas essayé d'aller chez elle? Non, c'est, elle habite quand même un peu loin du centre-ville parce que, enfin, faut le car et tout, c'est galère. Ouais, le car. Et t'as pas essayé d'appeler, je sais pas, ses amis, ses copines, des gens que tu connais? J'ai essayé, mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle a monté un peu toutes ses copines, pas contre moi, parce que ça serait un grand mot, mais dans le sens où est-ce que je pense qu'elle leur a dit, si Sam, il vous appelle, vous dites ça, pour pas qu'il me casse la tête, quoi. Attends. Il y aurait une raison. Ouais. C'est bizarre. Je comprends pas pourquoi. Elle sait peut-être que tu la kiffes. Bah, sûrement. Ça se trouve, elle le sent que tu la kiffes. Mais elle le sait. Mais en fait, c'est ça. Peut-être qu'elle veut juste rester pote avec toi. Elle sait pas comment te le dire. Du coup, elle coupe les ponts un peu brutalement et elle fait. C'est chelou ce qu'elle fait quand même. Mais si elle est au courant que tu la kiffes, c'est peut-être pour ça qu'elle veut s'éloigner. Ouais, peut-être. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué parce que plusieurs reprises, ça fait ça. Hein. C'est pas la première fois. Mais c'est. Tu lui as expliqué ça comment, toi, que tu l'as kiffé? Tu lui as dit quoi? Bah, en fait, je ne l'ai jamais réellement dit clairement, Cassandre, je t'aime ou je te kiffe. Mais en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de regards de ma part à son égard. C'est-à-dire que quand on est ensemble, vous savez, c'est un truc tout con, mais tu sais, quand t'as un petit sourire, quand t'es avec une personne, tu te dis, ah ouais, genre, je la kiffe, tu vois, et c'est plus fort que toi. Et. Mais tu l'as rien dit. Ouais, ça sent l'amour à sens unique, hein, Sam. C'est un truc que je connais bien. C'est un truc que je pratique depuis quelques années. Mais c'est tu aimes quelqu'un, mais la personne ne te le rend pas. Mais c'est brutal, surtout si t'es pote à la base. Enfin, vraiment, tu fais pas les choses comme ça. C'est hyper lâche. Ça a peut-être été une fois de trop. Et là, elle s'est dit, stop, ça suffit, et j'ai pas d'autre moyen que. Bah ouais, moi je suis d'accord. Ce qu'on va faire, Sam, c'est que nous avons réussi, nous, à l'avoir au téléphone dans la journée. D'accord. Ah oui, et a priori, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Je veux dire, on l'a eu tout de suite. On lui a dit qu'elle allait participer à un jeu sur une autre radio et donc d'être dispo vers 22h15. Donc, ce que je te propose, donc on va l'appeler et on va essayer d'avoir une explication justement pour savoir pourquoi t'as plus de nouvelles, Sam. Mais est-ce que vous pourriez vous d'abord commencer et moi par évidemment la suite. Sam, évidemment. Parce que moi j'ai la pression là. T'inquiète pas, mais à mon avis il se passe quelque chose dans sa vie, sinon tu aurais forcément eu une explication. On a peut-être rencontré quelqu'un. Peut-être. Ça serait dur. Mais à mon avis, Sam, tu t'es déclaré sur tes sentiments, il n'y a pas eu de retour. Il va peut-être falloir penser à enchaîner sur autre chose. Sam, on va l'appeler dans un instant. Restez bien avec nous. Okay. On appelle ton ex-meilleure amie. Hein. T'aurais bien voulu que ce soit ta copine. N'hésitez pas à nous appeler pour réagir. Hein. 01 42 48 5000. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, on vous offrira des mini-drones. On jouera une nouvelle battle ce soir. 01 42 48 5000 pour nous appeler. On revient avec Benny Blanco. Et Sam est en panique. Tout va bien se passer, mon Sam. Tu restes avec nous. On revient dans 3 minutes sur Fun Radio. C'est Love in Fun. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Nouveau son Fun Radio. Feder. When I'm with you, I lose control. Chris Cross Amsterdam. Les meilleures nouveautés démarrent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait Orange 50Go, je révise mes chants de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait Orange 50Go à 9,99€, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Hein. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50Go pour clients pack Open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019. 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois. Conditions sur orange.fr. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi, Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Bonjour, c'est David Ginola. La grande finale de la France Un Incroyable Talent est enfin arrivée. C'est magnifique, c'est un cadeau. Voilà, c'est du génie. Qui sera sacré grand gagnant de la France a un incroyable talent 2018? Leur destin est entre vos mains. La France a un incroyable talent. La grande finale en direct, c'est demain à 21h sur M6. Restez connectés avec la famille Fun Radio. Karel, Alice, Doc, c'est nous. On est là tous les soirs du dimanche au jeudi de 22h à minuit avec Doc, bien sûr, médecin, oui. Sexologue, professeur de levrette. Ah oui. Hein, bien sûr. Entre autres. Pas seulement. Bien sûr, c'est une de tes c'est spécialités. C'est pas exclusif. Non mais alors, justement, quand t'es sexologue, tu choisis une spécialité. Ah non, pas du tout. La sexologie, c'est déjà. Ouais, c'est ça. Quand même, déjà à part. Non mais après on peut peut-être se spécialiser dans un domaine. Toi je crois qu'au niveau de l'anus tu es très fort. Hein, parce que tu fais c'est des juste congrès. Parce que les proctologues m'ont appelé que j'ai été obligé de faire ce sujet. Ouais, ça aurait pu être des gynécos qui m'auraient appelé pour autre chose ou les gastro-entérologues ou. Je sais bien pas, sûr. Mais toi t'es tombé sur l'anus. Oui c'est ça. Voilà. Faut s'y coller. Doc Anus est avec nous tous les soirs sur Fun Radio. Alice bien sûr. Oui. Alors Alice comédienne hein, bien sûr au théâtre tous les soirs. Quel est ton spectacle en ce moment Alice? Alors écoute on prépare prépare un petit spectacle où en fait je dois changer de tenue, 57 robes en moins d'une minute trente. Et ça, c'est une vraie performance. Oui, c'est un gros travail. Merci d'ailleurs à tous les costumiers parce qu'on est quand même beaucoup. Je suis pas seule à travailler sur ce spectacle et on oublie souvent les gens des coulisses. Donc merci à tous. Eh bien voilà, merci, merci à tout le monde. Artura Bracchetta. Exactement. Eh ben ça fait plaisir d'avoir tous ces artistes tous les soirs qui sont avec nous autour de la table avec Kassim, bien sûr, le plus grand parmi les plus grands. Ouais. Oui. Et tu veux que je dise quoi après ça? Et un talent d'improvisation exceptionnel. Je suis un grand artiste. Merci. J'ai une grande bite. Et avec Sam, 17 ans, d'Evreux, qui est avec nous. Ouais. Et Sam. Rebonsoir Sam. Bonsoir. Sam qui est avec nous depuis le début de l'émission et qui nous a expliqué sa situation. Il est éperdument, enfin j'ai envie de dire, en tout cas très amoureux de ta meilleure amie. Tu t'es tu t'es déclaré, tu lui as dit ces derniers temps. Et ces derniers temps, t'as plus de nouvelles. Elle sait que t'es en kiff sur elle. Mais depuis deux semaines, t'as plus de nouvelles. T'as tout tenté, les amis, t'as vu qu'elle était connectée sur Insta, t'as essayé de lui parler. C'était sa meilleure amie qui lui répondait, enfin qui avait soi-disant son téléphone. Nous, on s'est débrouillé pour qu'elle nous réponde. Donc, on va l'appeler ce soir. Elle pense qu'elle va jouer pour un jeu sur RTL2. Ouais. Okay. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, faut juste rajouter que même si à la limite, elle est contre une relation ou quoi, je veux vraiment. Même récupérer cette relation qu'on avait entre elle et moi, c'était... Enfin, je comprends, Sam. Maintenant, à partir du moment où toi, t'as des sentiments pour elle, ça a un peu faussé le truc, tu vois. C'est clair. Je veux dire, si pour elle, c'est non, il va peut-être falloir se mettre au même niveau qu'elle pour que ça fonctionne. Parce que si toi, t'as toujours des attentes, bah, tu seras toujours déçu. Oui, tu vas toujours t'accrocher en espérant te rapprocher petit à petit, sauf que pour elle, ce sera toujours non, quoi. Ou alors, faut vraiment que tu transformes ça en meilleur ami, point. C'est un travail sur soi, c'est faisable, mais vraiment en émettant rien d'autre, quoi. Pas de petits signaux comme quoi tu la veux. Pas de masturbation le soir en regardant ses photos. On va voir ce qu'elle va dire. Surtout qu'il faut savoir que de base, moi je suis un jaguar, mais là je me suis dit je vais être sérieux pour une fois, et puis au final je me suis retrouvé comme ça et. Ah, t'as un petit chat là. Là, t'as un petit chaton là, Sam. On appelle Cassandre. Allez, go. Allez, c'est parti. Allez, ma petite panthère. On coupe Sam. Allô. Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à Cassandre? Oui. Bonsoir, vous êtes en direct sur RTL 2. Merci d'écouter RTL2, très bonne soirée à tous, 22h22, dans un instant In Excess, Jean-Jacques Goldman, et nous avons Cassandre au téléphone. Bonsoir Cassandre. Bonsoir. Bonsoir Cassandre, vous avez 17 ans et vous nous appelez d'Evreux? Oui. Alors, je crois qu'on vous a appelé aujourd'hui pour vous annoncer que vous étiez dans un tirage au sort. Oui. Un tirage au sort pour gagner? Oui. Vous savez la somme exacte que vous allez peut-être pouvoir remporter? Non. Ah, on ne vous l'a pas dit. Eh bien, ce n'est pas une somme d'argent, mais une personne. Comment ça? Quelqu'un qui aimerait vous dire quelque chose ce soir en direct sur RTL2. Mm-hmm. Je peux vous le passer? Non. Ok. Alors, coupe tout. Cassandre? Parce que j'ai l'impression qu'on va se faire accrocher au nez. Cassandre, t'es en direct sur Fun Radio, d'accord? Oui. Dans Love in Fun. On est avec quelqu'un qui se pose des questions et qui nous dit que depuis deux semaines, il a plus de nouvelles. Il nous a appelé parce qu'il s'inquiète pour toi. Il se demande s'il y a un malaise, il y a un souci entre vous. Et je crois que même si t'as pas envie de lui parler, parce que là, il est pas à l'antenne, tu pourrais au moins peut-être lui expliquer pourquoi tu ne donnes plus signe de vie depuis deux semaines maintenant. Et cette personne s'appelle Sam. Mais non, c'est comme ça, c'est la vie, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie, mais lui, il s'inquiète. Mais il a besoin de s'inquiéter, tout va bien. D'accord, mais tu veux plus lui donner de nouvelles? Non, c'est bon. Ce qui t'a saoulé? Oui, ouais. Mais ça a déjà été ton pote auparavant? Oui. Mais là, c'est plus ton pote, quoi. Non. Il a fait quelque chose qui va pas? Non, mais... j'ai pas envie de parler de lui. T'as rencontré un garçon? Non, du tout. Il n'y a pas de personne entre nous. Et Sam, tu le kiffes un peu? C'est ma décision. Comment? Est-ce que Sam, tu le kiffes un peu ou pas du tout? Non. Donc, tu le veux ni en pote, ni en plus? Non, c'est fini. Je veux plus en entendre parler. Il t'a fait un truc forcément qui t'a pas plu, alors? Mais c'est des petites accumulations, c'est tout. Parce que c'est quel genre de mec, Sam? Parce que tu peux nous dire, tu nous dis c'est des accumulations, mais c'est quel genre de truc? Parce qu'au quotidien, il a dû faire des petits trucs comme ça qui te saoulaient, mais quoi, par exemple? C'est un menteur, il y a trop de choses. T'as menti, ah ouais, il manipule et tout? Souvent des mythos. Ouais, ouais. Mais tu sais qu'en plus, il nous a dit qu'il était amoureux de toi? Oui, je sais, mais c'est comme ça. Il n'y a rien qui se sera, c'est comme ça. C'est pas juste pour ça que tu veux pas. C'est pas parce qu'il est amoureux et pas toi que tu veux pas le voir. C'est pour d'autres choses. Un peu une bonne partie parce qu'il est trop derrière moi et il aime pas ça. Ouais, il fait du forcing. T'as l'impression que toi, tu voulais juste l'avoir en tant que pote et qu'au final, le mec, il veut plus en permanence. Ouais, voilà. Mais il t'a menti à propos de quoi? Genre le truc qui est pas passé, quoi. Il y a un petit mytho qui a dû pas passer. Il fait plein de choses. Il me dit qu'il fait pas ça, qu'il pense à telle personne alors qu'il parle à telle personne. T'es possessive un peu avec lui, non? Non, pas du tout. Parce que pourquoi ça te dérange qu'il parle avec certaines personnes? Non, c'est pas ça. C'est le fait qu'il ment, ça m'énerve, en fait. Ok, c'est le principe, en fait. Il y a des gens qui t'ont dit des choses sur lui? Ou c'est juste toi et lui? Enfin, c'est toi qui sens ça de sa part? Ou est-ce que des gens t'ont parlé sur lui? C'est moi et d'autres gens. D'accord. Mais t'es au courant qu'il a une nouvelle copine, là? Hein? Cassandre? T'es au courant qu'il a une nouvelle copine? Oui. Ah, tu le savais, ça? Qu'il avait quelqu'un? Non, mais je m'en fous, j'espère. Tu t'en fous? Mais t'as mis du temps à me répondre quand même. Non, mais j'entendais pas. Ah, d'accord, ok. D'accord. Et s'il voulait juste être ami, rien d'autre? Juste copain comme vous l'étiez avant? Non. Non, tu veux pas? S'il revenait sur ses erreurs, s'il se corrigeait, s'il faisait mieux? Ouais, c'est vrai. Il a le droit à l'erreur aussi. Ah oui, Sam, t'as le droit à l'erreur, Sam. Hein, Sam? Ouais. Hein? T'en penses quoi, toi? Est-ce que c'est vrai que t'es un petit mytho? T'as mitonné un peu, Sam? Mais non, avant j'étais un jaguar, c'est tout. Mais je me suis calmé. Mais elle a du mal à le comprendre. Ça veut dire quoi, un jaguar, pour ceux qui comprennent pas? Ça veut dire qu'il papillonne, quoi. À droite, à gauche. Tu rôdes, quoi. Ouais, tu rôdes. C'est trop grave. Ouais, malheureusement. Un dragueur qui aime se faire désirer, quoi. Oh putain, Sam, non. Ah putain. Mais c'est ça qui t'a saoulé? Ouais, Cassandre, c'est ça qui t'a saoulé, quoi. Non, mais c'est trop de choses. Arrête, il est mignon comme tout. T'as vu comme il est beau gosse et tout. Hein, tu le kiffes? Moi? Un peu quand même. Mais pas du tout, c'est le même problème. Okay. Donc là, tu veux plus du tout lui parler, plus du tout avoir affaire à lui, et puis basta. Non, quoi. Non, plus rien. Plus. Bon, bah, on va tout le passer en antenne. Parce qu'il t'a forcément fait souffrir, il y a forcément eu un truc qui fait que tu t'es dit, bon, bah, je me débarrasse de lui parce qu'il m'apporte du négatif. Donc c'est que t'as eu du mal et c'est que t'as ressenti un truc pour lui, quoi, c'est sûr. Non. Eh oui, t'as été un peu jalouse. Non, okay. Mais ok. Bon, allez, stop. Il avait pas qu'à ouvrir les yeux avant, il passe. Ouais, et arrête elle de. Elle est trop de filles. Ouais, non, mais bien sûr, Cassandre, elle est totalement amoureuse de Sam. Ouais, ça se voit. Hein? Hein, Cassandre, dis la vérité. Dors plus de la nuit, là. Hein, tous les soirs. Tous les soirs, tu penses à lui. Et tu vas regarder son Instagram et tout. Hein, hein. Tac, tac, tac. Tu vois, c'est quoi cette nouvelle photo? Snapchat, il est avec qui ce soir? Tu sais, il a utilisé le troisième filtre aujourd'hui. Non, non. Hein? Et t'aimes pas qu'il parle à une fille, et t'aimes pas qu'il parle à telle fille. Voilà. Hein? Et c'est qui cette pouf qui est à côté de lui sur la photo? Je m'en fous, en fait. Il fait ce qu'il veut. Je m'en fous, en fait. Oh, la jalouse. Oh, la jalouse. Elle est jalouse. Eh ben, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et lui, il a envie de t'avoir en tant que pote. Voilà. C'est ça qu'il veut. Ok. Accroché. Ah, c'est le coup de la jalouse. Ça, elle a pas kiffé. Alors, ça a duré. Alors, je suis désolé hein, si c'était un peu long, mais on a essayé de la travailler au corps. Ah, hein, ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Et d'amener Sam. Très du corps. Hein. D'amener Sam dans la conversation, quoi. Parce qu'elle voulait pas te parler. Hein. Bon, alors, Sam. J'ai vu ça. Oui, c'est clair, je crois. Hein. Ah ouais, alors moi franchement, alors moi j'ai pas du tout analysé Cassandre, j'ai pas réussi à la cerner Cassandre. Je sais pas si c'est un spécimen. Elle dit qu'elle a été blessée par tout un tas de petits mensonges qui se sont accumulés au fur et à mesure, et c'est pas que ça. Bon voilà, elle sait à quoi elle a affaire. Alice, t'en penses quoi toi ? Je pense que dans sa tête, elle était un peu en pré-couple avec Sam, mais qu'ils étaient dans une période de test pendant un certain temps, ce qui fait qu'elle regardait un peu ce qu'il faisait. Et étant donné qu'il n'y avait pas que elle au centre de son attention, elle s'est tout de suite rendue compte que ce mec-là valait pas le coup, donc elle s'est éloignée de lui pour se préserver, basta. Ok. Bon. Ça voilà. Me paraît tellement simple. Non, mais attends, ça, c'est la psychologie féminine. C'est évident. Mais nous. Elle a eu raison. Attends, si dès le début, t'arrives pas à avoir que elle et avoir que elle, quand t'es pas encore en couple avec une meuf, c'est le moment où il faut tout donner, tu vois. Ou montrer qu'il y a que elle et que tu t'en fous des autres et que elle, c'est vraiment ton évidence. J'aime bien ce terme-là parce que je trouve ça vraiment cool. Et si c'est pas le cas, bah forcément, elle se dit, bon, bah, next, quoi. Je passe à un autre mec qui verra que moi et qui s'en foutra des autres filles. Tu perds pas de temps avec un mec en qui t'as pas confiance dès le début. Ouais. Ouais, bah, devoir se calmer le jaguar. Hein. Je suis bête, je change gag aussi. Je suis bête, moi, vas-y. Bon, eh ben, écoute, c'est une leçon, faut apprendre. Non, voilà. Mais si tu kiffes une fille, tu vas à fond dessus, il n'y a personne d'autre, jusqu'à ce que tu saches. Voilà, ouais. Et tu papillonnes pas en envoyant plein à la fois et en draguant de tous les côtés. Ça, c'est sûr que ça marche pas. C'est d'accord, Doc Anus, il n'y a pas de souci. Salut le jaguar. Doc Anus. Putain, t'imagines, ça te colle non. Toute la soirée. Ça ne collera rien du tout. Ah si, Doc Anus, bien sûr, le spécialiste. On va faire de ta vie un enfer, Doc. Ouais, c'est ça. Et Sam, tu reviens quand tu veux, en tout cas, et file-nous des news là avant jeudi, là, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux faire une dédicace, vite fait ? Bien sûr, Sam, vas-y. Je fais une dédicace à Johan et à son fils Antonin, une dédicace à mon pote Nathan qui m'écoute, et Chloé. Voilà. Salut Sam. Ciao. Salut. Salut. Ciao. Salut. Et on va accueillir Marine. Marine, 20 ans de Lille. Bonsoir Marine. Bonsoir. Bonsoir Marine. On va parler de tromperie avec toi, c'est ça hein ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, en fait, depuis que mon mec m'a trompée, je lui ai pardonné et puis je vis un vrai calvaire. Ok, bah tu bouges pas, on en parle avec toi. Et au 01 42 48 5000. D'ailleurs ce soir aussi on prendra des nouvelles de Malik du Sexy Chocolat. Restez bien avec nous, la nouvelle vidéo qu'on vous a mise là sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Love in Fun, n'hésitez pas. Et voici Benny Blanco, East Side sur Fun Radio, c'est Love in Fun. I fell in love, we used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. Oh no, your daddy didn't like me much. And he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with a sun all set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Starting to light together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23 and now we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day you know where we'd ride, through the back streets in a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put a mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, starting to taste. Start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. So baby, run away. Play with me. Run away now. Run away now. Side. you should meet me on ice, son. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side, city with the sun on set. 22h à minuit, Love in Fun. Appelez Karel, Alice et Doc. 0-1-42-48-5000 sur Fun Radio. Tout à l'heure, on parlera des coups de foudre dans Love in Fun. Si vous avez déjà eu cette sensation du coup de foudre. Ah, c'est, d'ailleurs, Doc, c'est quoi le coup de foudre? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc chimique, non? Il y a une attirance, c'est ça? Oui, c'est plein de molécules chimiques qui sont produites à ce moment-là, notamment de l'ocytocine. Ah, ben voilà. J'en prends tous les matins. Ah, oui. Ça me donne beaucoup de pêche. Ce qu'on trouve également dans la grossesse. Donc, ah bah voilà. C'est quelque chose qui se rapproche énormément de la fusion qu'il y a entre la mère et l'enfant. En attendant, on en parlera tout à l'heure si vous avez déjà vécu justement ce sentiment, cette extase, hein, ce sentiment amoureux que vous avez tout de suite pour la personne, une espèce d'attirance de dingue. 01 42 48 5000. Et c'est pas d'ailleurs les meilleures relations. Hein. Généralement, il paraît que enfin voilà, le coup de foudre ne donne pas toujours une relation pour toute la vie. Hein. C'est ça. Alors venez nous le raconter en tout cas. 01 42 48 5000. On est avec Marine. Elle a 20 ans, elle est de Lille. Et Marine, il y a eu un gros souci avec ton mec. Il y a eu une tromperie. Et depuis, c'est le calvaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a déjà beaucoup de réactions pour toi, Marine, je te le dis, tu vas être soutenue, t'es pas la seule à avoir vécu ça. On a tous connu une période un petit peu compliquée après une séparation, surtout après une tromperie, quoi. Ah oui. Ouais. Raconte-nous, Marine, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors en fait, ça fait 5 ans que je suis avec mon copain. Et en fait, j'ai su que l'année dernière qu'il m'avait trompé au début, en fait. Au début? Et ouais, au tout début là, c'est de la relation. Mmh. Combien de temps? Et il m'avait trompé pendant peut-être 6 mois. 6 mois, au tout début de la relation. Ah, oui. Ouais. Et moi, je l'ai pas su en fait dès le départ. J'ai eu des échos, mais j'en étais pas certaine en fait. Ouais. Et après... donc du coup, je lui ai demandé des confirmations là l'année dernière. Puis du coup, il me l'a avoué, mais depuis, j'ai beaucoup de mal avec ça en fait. Et depuis 4 ans et demi, t'as pas trompé, enfin je veux dire. Depuis le reste, je pense pas. Après, je peux pas avoir une certitude non plus. Ok, donc tu l'as pardonné sur le moment. Je lui ai pardonné, ouais. Bah, après, je pense qu'on n'oublie pas quand même. Hein. Ah non, mais oublier, non, on peut pas. Mais et alors, comment ça s'est passé depuis que tu lui as pardonné? Et depuis que je lui ai pardonné, mais en fait c'est compliqué parce que dès qu'il y a une dispute ou quoi, ok, je lui rabâche ça en pleine face, quoi. Ah ouais. Et donc du coup c'est compliqué. Oui, donc c'est pas pardonné. Bah oui. Non. C'est reproché. C'est pas pardonné, c'est un reproche, quoi. Ouais. Bah ouais. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné dans les faits. Alors, oublier, il ne s'agit pas d'oublier, tu n'oublieras jamais. Ouais. Et à un moment donné, il faut que le pardon, ce soit un vrai pardon, ou alors ça ne l'est pas. Certainement que vous avez encore à creuser la question. Il faut certainement que vous en parliez encore tous les deux. Ouais. Et que, comment aussi il peut récupérer ta confiance? Parce qu'a priori, il l'a perdu quand même. Il l'a perdu. Un week-end à Disneyland Paris, franchement, ça avec mais une fille, c'est super. Ce qu'il y a quand même, c'est que cette histoire est loin quand même, parce que en fait, il t'a trompé il y a 4 ans, quoi, quelque chose comme ça. Ah, je suis d'accord. Donc, ce qui est le plus décevant, c'est de l'avoir su que l'année dernière, quoi. Oui, c'est sûr, je comprends, mais en même temps, c'est loin. Tu vois, après il n'y a plus rien eu, après il s'est toujours bien comporté, après ça se passe bien, donc là maintenant c'est comme si tu étais en train de casser la relation pour quelque chose qu'il a fait il y a 4 ans. Ouais. Il l'a fait il y a longtemps, ouais, c'est bien, dommage. Après il y a des choses au quotidien qui vont pas non plus du tout. Ah mais ça c'est encore c'est différent. Moi je suis assez d'accord avec Doc, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Alice, mais c'est vrai que c'était il y a 4 ans et demi. OK, c'est pas bien ce qu'il a fait. Il l'a fait pendant 6 mois, c'était au tout début de votre relation, peut-être au moment où il se posait des questions. Et là depuis 4 ans et demi, ça se trouve il est hyper amoureux de toi, il a complètement zappé le truc et puis du coup, il n'est pas revenu là-dessus parce que vu ta réaction, on peut comprendre qu'il... Mais c'est normal, hein, de réagir comme ça. T'en penses quoi, toi, Alice? Ouais. En fait, à partir du moment où tu décides de pardonner, je pense qu'il faut pardonner jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Il faut pas revenir sur le truc. Mais il y a deux styles de relations différentes. Il y a les relations où dès le début, t'es à fond dedans et tu vois qu'une seule personne et t'es à fond les six premiers mois, c'est tout beau, tout rose. Et ceux qui, au début, sont un peu entre deux, on sait pas, on sait pas si c'est la bonne, on papillonne un peu avec, à droite, à gauche, avec les gens qu'on rencontre. Et au final, on se rend compte que, bah, il y en a qu'une et on s'investit à fond. Et ça a l'air d'être l'état d'esprit de ton mec. Après, on le connaît pas. Mais je pense que s'il a eu l'honnêteté de te le dire, même un an après ou deux ans après, c'est qu'il sait que ça ne s'est pas repassé et que ça ne se repassera plus jamais. Sinon, il te l'aurait jamais dit. Tu vois? Je pense que vraiment, je pense que vraiment, sinon, il aurait nié du début à la fin. Mais si là, il te l'a dit, c'est qu'il l'avait forcément aussi sur le cœur. Il savait que t'étais au courant. Il a voulu lâcher le morceau pour repartir à zéro, quoi. Et c'est pas l'attitude d'un mec qui s'apprête à retromper. Ouais, je pense bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir Fleury. Il y a beaucoup de réactions. Il y a aussi Corentin qui sont là. Fleury, Corentin, bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut. Alors, on va commencer par Fleury. T'as entendu là le témoignage de Marine? Tu comprends un peu sa réaction après 4 ans et demi comme ça? Bah, je peux comprendre sa réaction. Après, comme vous avez dit, si elle décide de pardonner, c'est totalement en fait. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai trompé. Donc, ça fait 2 ans et demi que je suis avec mon copain. Ouais. Au bout d'un an, je l'ai trompé. Ok. Donc, je lui ai dit après parce que je regrettais. Il m'a demandé pourquoi, j'ai expliqué mes raisons. Et depuis, ça va très bien. Aujourd'hui, on est fiancés, enfin, je suis enceinte. Il m'a pardonné, mais totalement. Et il me fait totalement confiance aussi. Ok. En fait. Et ça arrive, hein. Faut pas être hypocrite. C'est sûr, c'est la vraie vie. Ça arrive aussi parfois de faire des erreurs. Voilà. Non, mais je lui ai dit pourquoi et il a compris aussi. Ce qui fait que bah nous ça a renforcé notre couple. On est maintenant ça se passe parcaitement bien. Ouais. Et donc forcé donc non, il m'a pardonné, il me fait confiance. Ah, c'est bien ça, Fleury. Bah oui. T'es heureuse, t'es enceinte là, t'attends. Exactement. C'est un garçon, c'est une fille? Tu veux pas savoir? Je sais pas, je veux pas savoir. Mais moi j'aime bien ça de pas savoir. Tu sais. Non, sérieux, je trouve ça cool. Surprise. Et Corentin est avec nous. Bonsoir Corentin. Salut Corentin. Salut. On vient d'entendre Fleury qui parle de pardonner et pardonner à 100%. Toi Corentin, est-ce que t'as fauté ou t'as été victime d'une tromperie? Moi j'étais victime d'une tromperie. Ah oh, putain, ça fait mal au cul ça. Ouais. Enfin, ben oui et non en fait. Pourquoi? C'est réveillé? En fait en soi, je raconte toute l'histoire ou je fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Un petit résumé. Ok, un petit résumé. Et ben en fait j'ai rencontré un garçon il y a 6 ans. Et cette personne, au tout début, elle m'a trompé. Et quand je l'ai découvert par les SMS, je me suis pas énervé en fait. J'ai essayé de comprendre pourquoi elle a fait ça. Et pourquoi elle en est venue à me tromper, aller voir ailleurs. Et après, j'ai compris que c'était un garçon qui avait besoin d'aller voir ailleurs en soi, qui avait besoin d'avoir plus, d'avoir sa vie stable avec moi. Et deux aussi, d'aller de temps en temps voir ailleurs, de découvrir, d'avoir de nouvelles expériences. Et moi, je l'ai compris en toi. Et du coup, depuis ce jour-là, on est en quelque sorte un couple libre. Ça fait 6 ans que c'est comme ça. Et je trouve que... Tu veux dire, tu vas niquer à droite à gauche et lui, pareil? Alors moi, non. Moi, ça me va très bien. Moi, lui, il me suffit largement. Mais lui, il a besoin d'avoir plus d'expérience. Ah ouais, t'acceptes ça? Peut-être qu'il est plus jeune. Oui, putain. Parce que moi, je trouve que l'amour, il y a l'amour. Et puis, il y a aussi le sexe à côté. Et je trouve que c'est important que lui fasse des expériences. Ouais. On a 22 ans. On s'est rendu compte qu'on avait 16 ans, donc moi je trouve que c'est super important que je fasse maintenant et que plus tard il passe plus quoi. Enfin, c'est vrai, il a fait ses trucs quoi. C'est intelligent de ta part, effectivement, de le laisser vivre ce qu'il a à vivre, de pas lui interdire, parce que sinon, de toute façon, il le ferait et ça serait pire. Et puis, tu verras bien ce que ça donnera. En général, quand on laisse la liberté à quelqu'un pendant un certain temps, au bout d'un moment, ça s'arrête, parce qu'il fait ses expériences. Oui, il s'envole et il revient jamais. Ah oui! C'est le risque. C'est le risque aussi. Moi, ça, je pourrais pas. De toute façon, quelqu'un ne t'appartient pas. Bah oui. De toute manière. Donc, il fera ce qu'il aura à faire. Bien sûr. Voilà, ce qu'il sait qu'il a à faire. Mais je comprends le principe, tu vois, de vivre des expériences et tout, qu'on doit laisser vivre ces expériences-là. Mais moi, j'aurais envie de les vivre avec ma moitié, quoi, entre guillemets. Je me dis, ok, on peut faire toutes les expériences du monde, mais je les fais avec toi. C'est une autre façon de le faire aussi. Bon, c'est pas son choix, mais. En attendant, c'est intéressant justement d'avoir ces témoignages de Fleury, de Corentin, qui est prêt à accepter de l'infidélité de son mec pour il discerne bien le sexe et la relation amoureuse. Marine, il faut que tu t'accroches. Hein, il faut vraiment que tu prennes soin de ton mec, parce que là, vous êtes en train de vous détruire tous les deux, quoi. Et discuter, communiquer. Oui. Il faut parler, là. Il faut que vous parliez beaucoup, hein. Ah, non, j'ai une petite question pour Corentin, si c'est possible. Bien sûr, eh ben, tu vas rester avec nous et vous allez même pouvoir vous parler un petit peu en antenne. Là, c'est ça aussi, hein, d'avoir toutes les réactions. Tu restes avec nous, Marine, et on revient dans un instant sur Fun Radio avec une nouvelle battle. On prendra des nouvelles de Malik du Sexy Chocolat. Vous restez avec nous, il y a des gros gros rebondissements et on va revenir avec Gaoline et Moonlight. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Applaudissements pour Miss France 2019. Alors, j'ai lu que tu aimais jouer du ukulélé et de la guitare, c'est vrai? Ça arrive. Si on te tend une guitare, tu peux nous jouer un petit truc rapide? Oui, je peux jouer. Allez. Attention, Miss France à la guitare. Le voice que t'aurais dû faire. Là, en fait, génial. On s'est fait sécher. Je viens de calmer mais tout le monde. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi, Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club au Press Club à Moulins dans l'Allier. Salut tout le monde, c'est Adrien Thomas, je vous retrouve près de chez vous pour une énorme soirée Party Fun Club. Samedi soir, Party Fun Club by Adrien Thomas au Press Club à Moulins dans l'Allier. C'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. 22h à minuit. 0 42 48 5. Avec Karel, Alice et Doc. Sur Fun Radio. Feel like I'm destined, I don't need no Smith & Wesson now. Girl, who you testing? Fuck is catching, here's your lesson now. Life and intestine, taking shots with all your brethren now. Feel like I'm dead, feel like I'm walking flat. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. Oh. Gaoline et Moonlight sur Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Si vous venez de nous rejoindre, c'est Love in Fun. Alors nous, on est là du dimanche au jeudi, de 22h à minuit. On mange des chocobons, on mange des petits bonbons. On se fait plaisir, on se régale. Je vois Alice en train d'ouvrir un petit paquet de bonbons. Oui, exactement. Ah, c'est quoi ça, ce... Bah, c'est des petits bonbons. D'accord, j'ai l'impression que ce sont ces petits bonbons, hein, Doc, hein, J'ai pris deux paquets, un pour moi et un pour le reste que j'avais quitté. C'est ça, mais au moins t'es généreuse, t'as Exactement. Pensé à prendre deux paquets. Bravo Alice. Moi je m'appelle Karel, il y a Doc qui est là aussi, médecin, sexologue, Kassim. Et puis c'est Méloche et Coco qui décrochent le standard tous les soirs au 01 42 48 5000. On est très heureux d'avoir Malik au téléphone ce soir. Malik, 20 ans de Lyon. Et Malik, avant de te demander comment ça va, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as été voir ta vidéo Sexy Chocolat sur YouTube? Oui, je suis parti voir Sexy Chocolat sur YouTube, la vidéo où je suis passé. Absolument. Enfin, maintenant, depuis que je suis passé, je vous écoute tous les jours, quoi. Bravo, Malik. On n'aurait pas cru. Hein, oui, mais... ce qu'il faut savoir, c'est que Malik, c'est pas lui qui nous avait appelé pour tester sa copine. Non, c'est sa copine qui nous avait appelé pour tester Malik. Et alors, on va réécouter justement ce qui s'était passé. Vous allez comprendre pourquoi on a Malik ce soir au téléphone pour débriefer ce Sexy Chocolat. Donc, Sabrina avait appelé l'émission parce qu'elle avait des doutes sur Malik. Malik a été un peu niqué dans cette histoire, et puis surtout qui était très heureux de pouvoir s'entendre à la radio. Je vous propose d'écouter ça. D'ailleurs, c'est une vidéo que vous pourrez retrouver sur le YouTube de Love in Fun pour voir toutes les réactions de l'équipe. Là, c'est parti. On réécoute ton Sexy Chocolat, Malik. Excusez-moi, je fais un petit rond. Allô. Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à Malik, s'il vous plaît? C'est moi. Oui, bonsoir Malik, Denichon, la chocolaterie Sexy Chocolat, je vous dérange pas, je vous appelle un petit peu tard peut-être. Il est 23h quand même. Bah alors je me présente vous en fait. Vous êtes les démarcheurs, vous m'avez appelé trois fois aujourd'hui déjà là, franchement vous faites chier quoi. Alors franchement ça peut pas être moi, franchement. Alors est-ce qu'on peut discuter? J'en ai pour 2 minutes et après vous serez content. Ok, d'accord, pas de soucis. Merci Malik. Alors, 2 minutes, hein, pas... 2 minutes, je vous explique. Nous sommes une boutique de chocolat sur la thématique de l'érotisme. On est basé à Lyon. Voilà, on est dans le centre-ville de Lyon. Et je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. En fait, on appelle quelques particuliers, voilà, pour leur faire bénéficier d'un beau cadeau que nous aimerions vous offrir gratuitement. C'est gratuit, hein, ça c'est très important. On va pas vous l'offrir à vous, on va l'offrir à la personne qui partage votre vie, à votre petite amie, à votre plan cul. Ça peut être, voilà, une personne à qui vous voulez faire plaisir, mais c'est quelqu'un forcément avec qui vous avez des sentiments et quelqu'un à qui vous voulez faire plaisir. Parce que c'est un coffret Sexy Chocolat. En fait, c'est comme si vous offriez un bouquet de fleurs, sauf que nous, on va s'occuper de tout. On va prendre l'adresse, on va prendre le prénom de la personne, on va lui envoyer un petit mot et elle va recevoir, alors ça c'est la valeur que je vous donne, mais l'équivalent d'une centaine d'euros de coffret cadeau. Je dois pas mettre ma carte bleue ou... Mais non, vous avez juste un prénom et une adresse à me donner et moi je m'occupe de lui envoyer avec un petit mot qui sera écrit que vous allez me dicter. Voilà, si c'est pour la personne que vous aimez, on mettra un petit mot. D'accord, j'ai compris, ouais. D'accord. Alors comment s'appelle votre petite amie? Vous avez une petite amie? Alors vous savez, vous n'êtes pas la première personne qui hésite. Hein. Si vous avez quelqu'un, voilà, en ce moment, mais que vous préférez offrir le cadeau à quelqu'un d'autre parce que vous êtes sur plusieurs dossiers en même temps, il y a aucun souci. Hein. Il suffit juste. Non, mais c'est bon. J'ai une idée en tête. Enfin, je sais à qui l'envoyer du coup. D'accord. Donc donnez-moi juste le prénom. Alors Estelle. D'accord, très bien. Et alors Estelle, si je dois lui mettre un petit message, ce serait quel genre de message? Un petit message. Un peu coquin. Ouais, il me tarde que tu reviennes. En attendant, je te donne ça. En attendant. Donc c'est pour Estelle, vous m'avez dit. Ouais, c'est ça. Ouais, Estelle. D'accord. Donc vous avez des relations, oui, avec elle, c'est ça. Oui, j'ai des relations avec elle. C'est ma petite amie. D'accord, super. Bon, bah alors, je vous passe tout de suite ma responsable qui va prendre toutes les coordonnées, le petit message, d'accord? Ouais, ok, d'accord, pas de soucis. Je vous la passe tout de suite. Allô? Allô? T'es sérieux, là? Allô? Quoi? Allô, c'est oui. C'est Estelle. Comment ça? Allô? Ah, bande de bâtards. Malik, t'es en direct sur Fun Radio, tu viens de te faire piéger. Il y a Sabrina qui est au téléphone avec vraiment nous. Vraiment des bâtards, franchement. Non, mais allô, c'est à moi que tu parles. Non, mais c'est bon, c'est bon. Putain, c'est à moi que tu parles. C'est qui, Estelle? Putain. Allô, c'est bon, vas-y. Parle. Oh, mais c'est quoi? Attends, mais j'ai pas compris là. C'est quoi? Je peux t'expliquer, Malik. T'es en direct sur Fun Radio. L'émission, elle s'appelle Love in Fun. T'es dans une séquence qui s'appelle Sexy Chocolat et qui permet de tester la fidélité. Sabrina nous a appelé pour te tester. Sabrina nous a raconté aussi qu'elle avait fauté. C'est vraiment un bâtard quand même. Qu'elle avait. Oh. Bon, si tu veux. Mais moi, Sabrina. Toi, t'es génial, par contre. Ah, toi, t'es au top. Sabrina nous a appelé. Elle nous a dit voilà, moi, j'ai fauté cet été. J'en suis conscient. Et on en a parlé avec Malik et il a décidé de rester avec moi. Mais depuis quelques temps, je commence à avoir des doutes. J'ai l'impression, depuis qu'il a repris le foot, qu'il a quelqu'un d'autre. Et a priori, effectivement, Malik, il y a Estelle. Alors après, c'est vrai, bon, tu t'es fait niquer. Oui, maintenant, autant lui dire les choses. Faut assumer. C'est à moi qu'il faut parler. Non, mais de toute façon, moi, je m'en fous. Dans tous les cas, dans pas longtemps, moi, j'allais la jeter. J'allais te jeter, là, dans pas longtemps. Voilà. Mais tu m'as cassé les couilles, laisse tomber. Tu fais que me casser les couilles, là. Mais pourquoi tu restes avec moi, alors? Je sais pas, tu m'as cassé les couilles. T'as le bâtard, vas-y, tu dégoûtes. Vas-y, c'est bon. Ça sert à rien de parler, la vérité. Tu préfères parler à des inconnus que parler avec moi? Déjà, tu t'es fait afficher devant tout le monde et tu veux pas parler avec moi? Afficher devant tout le monde? Qu'est-ce afficher devant tout le monde? Ben, t'es sur la radio, tu t'es fait afficher devant tout le monde. Toi, tu t'es affiché, t'es au téléphone, t'es confus. Franchement, si on peut se permettre, il n'y a pas d'afficher qui que ce soit. Il y a surtout une histoire qui s'arrête ou qui continue. Enfin voilà, après, ça sert à rien de se mentir. Il n'y a aucune continuation, c'est fini, c'est tout. Fini, Malik. Mais là, t'es... En fait, c'est moi qui te teste et c'est toi qui mets fin à la relation. Ouais, je suis pas. Tu m'as cassé les couilles. Franchement, honnêtement, je suis malade. T'es malade, Malik, sérieux. Non, mais toi, t'as vraiment. Là, je suis énervé. Non, mais il a vraiment un problème, ce type. Bah, Maëva, ça montre qui est Malik, là, je crois que. Sabrina, hein, ça montre qui est Malik. Je vous disais bien qu'il était bizarre. Là, je suis énervé, là, pour le coup, là. Non, mais franchement, on va juger personne. Hein. Ni Sabrina, ni Malik. Sabrina qui a fait la connerie aussi cet été. Et là, Malik. Oui, il a accepté. Voilà. À partir du moment où il accepte, il a plus rien à dire. Ouais, mais comme on dit, pardonner, mais jamais oublier. Mais c'était pas une raison pour refaire la même chose après. T'as carrément créé une double vie, moi. C'était juste une petite erreur comme ça. Et Malik, c'est qui cette meuf, cette Estelle là? C'est une fille genre juste comme ça ou t'as une vraie relation avec elle et t'as envie que ça aille plus loin? C'est ta petite amie. C'est ta petite amie. Non, j'ai une vraie relation avec elle. Ok, donc rien à voir avec. Enfin. Tu veux dire ça sérieux? Sabrina, c'est qui pour toi? Moi, j'assume. Ah bah non, on dirait pas Malik parce que t'aurais pu le dire à Sabrina dès que ça avait commencé avec cette Estelle. Mais après, ça fait pas comme si ça datait depuis 6 mois. Bah, elle l'a senti. Tu vois, elle dit bien qu'elle l'a senti et certainement tout de suite. Donc dès que tu as été avec une autre, elle l'a senti. Dès ce moment-là, pour être honnête, carré et franc, tu aurais dû dire « Écoute Sabrina, voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et puis c'est terminé. » Ça, c'est honnête. Bon, c'est jamais cool. Non, mais attendez, c'est quoi ça? Fun Radio, ça passe la combien sur la radio? Ça passe sur la combien à la radio? Alors à Lyon, la fréquence, on va te la donner. Tu pourras te retrouver sur YouTube, hein, sinon t'inquiète pas. 93.3 hein, pour nous écouter, Malik, Fun Radio Lyon. Ok, d'accord. T'es dans ta voiture là? Ouais, là je suis dans Vas-y, voiture, vas-y là. Malik, mets le 93.3 hein, en direct. Alors si c'est un vieil autoradio, ça peut mettre du temps hein, pour mettre le 93.3. Radio, ça peut mettre du temps. Hein. Voilà, Malik de Lyon. Non, mais sa voiture, c'est une vieille voiture, je vais lui crever ses pneus. Non, mais c'est fou qu'ils veulent se réécouter, quoi. Ouais. Où est-ce que je peux me réécouter? Vas-y, là. Eh oui, c'est vrai. En plus, c'est sur les trucs principaux de la radio. Là. Bah oui. Malik, tu veux faire une dédicace, peut-être? Non, c'est bon, aucune dédicace, la vérité. La vérité, on avait trouvé Malik très sympathique. Ah non, c'est vrai, voilà. Ça te fait marrer de te réécouter, Malik, hein. À dire déjà, désolé pour les insultes déjà. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, Malik. Mais ouais, c'est marrant de se réécouter, ouais. Ouais. Bon, alors, Malik, on va pas se cacher. Ouais, c'était pas très, très, très drôle non plus, quand même. Non, mais non, la situation, elle était terrible. Pour Sabrina, pour ta copine. Bon, alors, Malik, si t'es avec nous ce soir, c'est parce que t'as décidé de tout assumer et c'est la première fois que ça arrive. Franchement, c'est, je crois vraiment que c'est la première fois que ça arrive. Malik, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir pour parler de ce sexy chocolat et de cette tromperie, Malik? En fait, après la tromperie avec Sabrina, on s'est reparlé forcément. Et du coup, on s'est remis ensemble. Enfin, ça a pris du temps, mais bon, là, on s'est remis ensemble. Du coup, là, on est ensemble, là. Ouais. Et il y a tout qui s'est arrangé et tout. Là, pour l'instant, tout va bien. Là, elle est au ski. Je vais aller la rejoindre là dès que je finis dans une semaine à peu près, je vais aller la rejoindre et du coup là tout se passe bien là. Et cette Estelle alors? Ben cette Estelle, du coup ben j'ai coupé les ponts. En fait c'était vraiment quelque chose pour. Je pense que le fait qu'elle m'avait trompé quand elle m'a trompé la première fois, ben vraiment je pense que j'avais pardonné mais pas totalement au fond de moi, c'était resté. On en parlait justement tout à l'heure hein, du pardon qui est finalement pas un vrai pardon quoi. Et j'avais sentiment vraiment de vouloir le faire en retour en fait, sauf que c'est pas la vengeance, c'est pas la solution. La vengeance. Ah, bien sûr. Ouais, voilà exactement. T'as grandi depuis maintenant. T'es un nouvel homme. C'est une radio ça. Malik, écoute, nous tout ce qu'on vous souhaite c'est beaucoup de bonheur. Ouais. Tu vois, si vous êtes remis ensemble, tant mieux. Vous avez discuté, parlé, essayé de creuser les questions et les problèmes pour les régler à l'avance? On a beaucoup parlé, on a parlé, on a mis du temps avant de se remettre ensemble, vraiment. On a essayé de bien parler au début et tout, de mettre les points sur les i. Et du coup, après, dès qu'on s'est senti prêt, ben, on est parti pour une nouvelle relation. Eh ben, tant mieux. Très bien. On vous souhaite que du bonheur à tous les deux. Que ça continue comme ça, ouais. Voilà. Et t'es bon pour un cadeau de Noël, du coup. Exactement. Tu vas lui offrir quoi, Noël? Ben, en fait, moi, je fête pas Noël. Mais je vais quand même lui offrir un cadeau parce que elle, par contre, elle fête Noël. D'accord. Mais je sais pas encore du coup. D'accord, oui. Ah, tu fais partie de ceux qui vont tout acheter ce week-end. Une petite semaine. Non, on sait jamais si elle écoute. T'as raison, Malik. T'as raison. On n'est jamais trop prudent. Oui. On embrasse Sabrina d'ailleurs si elle nous écoute et on te souhaite le meilleur, Malik. Tu reviens quand tu veux sur ta nouvelle radio préférée, Fun Radio. Salut, Malik. Salut. Allez, ciao. Salut Malik, il est trop cool Malik. La battle dans un instant sur Fun Radio. Je rappelle que vous pouvez gagner ce soir un mini drone. Et ce soir, on va faire un nouveau jeu. Ça s'appelle l'enchère Love in Fun. Vous les connaissez le principe ou pas? Ouais. Alors c'est très simple. On va vous poser des questions et vous devrez nous dire combien de réponses vous pouvez nous donner. Celui qui sera capable d'en donner le plus marquera le point. Et s'il se trompe, s'il échoue, c'est l'autre candidat qui marquera un point. C'est génial ce jeu, non? C'est pas de nous. C'est pas facile. Vous avez compris ou pas? Ouais, j'ai compris. Ouais. Bon, et si on fera un petit exemple? Non, faut juste être fort, quoi. Bah, bien sûr, mais les auditeurs de Love in Fun sont les meilleurs. Ouais. On va écouter Major Lazer sur Fun Radio. Darkness bring out our emotions. Mix them up in that life potion. Close my head for you. Countless times we catch the sunrise. Fix some scars we share with white lights. Close my head for you. I got the keys to heaven now. Blaze all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Blaze all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Blaze all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. Keys to heaven now, bays all around and they come on my spinning. Suddenly doors Et Blow That Smoke sur Fun Radio. La battle Loving Fun sur Fun Radio. Nouvelle battle tous les soirs sur Fun Radio. Et ce soir, vous allez découvrir un nouveau jeu, l'enchère Loving Fun, qui pourra dire combien, par exemple, de synonymes de vagin qu'il peut donner sur l'antenne de Fun Radio. Par exemple, moi je pourrais en donner 3. Doc, tu pourrais en donner peut-être plus. 5. Et bien voilà, moi je ne dis pas mieux. Doc devra donner 5 synonymes de vagin. Et s'il n'arrive pas à trouver les 5, c'est l'autre candidat qui aura le point. Voilà, j'ai bien expliqué. Super, c'est voilà. Incroyable. C'est l'enchère Loving Fun. Kevin et Estelle sont avec nous. Bonsoir Kevin et Estelle. Salut. Bonsoir la famille. Salut. Comment ça va? Salut la famille. La et la famille. Kevin, la famille à Chartres, oui. Comment ça va? Bah écoutez, ça va bien et vous? Ah, ça va super Kevin, on est content de te parler, t'as 23 ans. Et Estelle anime. Salut. Salut ma Estelle. Pêche, je vous entends, la pêche. Ah super, et bah t'as 25 ans toi Estelle. Vous allez vous affronter dans cette nouvelle battle à gagner le mini drone bien sûr. Et ce soir, l'enchère Love in Fun. Vous avez bien compris le principe du jeu? Oui. Ouais, ouais. Bon, et pour perdant, il y a quoi pour perdant? Une pour perdant, avec notre considération. Le perdant gagne une soirée avec Karel. Alors ça, c'est la meilleure vanne de la putain, soirée. Ah putain, j'ai pas entendu. Genre, c'est même pas le cadeau du gagnant, tu sais. C'est l'autre consolation. Ah putain, c'est un lot de consolation. Ça te fait kiffer de te foutre de ma gueule, Estelle. Mais non, mais comme on t'aime bien. Ouais, bah ferme bien ta gueule. Elle va faire exprès de perdre. C'est ça. Putain, Estelle. Elle va faire exprès de perdre juste pour voir Karel. Estelle, Estelle, tu es ma chouchoute ce soir. Et t'as bien raison. Alors, Kevin face à Estelle ce soir. On va commencer par cette première question. Vous allez avoir le temps de réfléchir, hein, justement, à vos réponses. Je vais vous demander un chiffre, bien sûr. Combien de positions sexuelles pouvez-vous me citer? Réfléchissez bien et je vais donner la parole pour commencer à Kevin. Combien de positions sexuelles tu peux me citer, Kevin? On va commencer par 2. 2. Estelle? 3. Kevin? 4. Estelle? Non. Kevin, tu dois donner pas les noms, en fait. 4 positions sexuelles. C'est parti. Missionnaire, 69, levrette et... Je sais pas, cuillère, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Il a dit quoi? Cuillère. Ah ouais, la ça. Cuillère, ouais, tout à fait. Doc, tu valides toutes ces positions? Complètement. Bien sûr. Il est valide. Franchement, il les a toutes testées. Complètement. Et il a une préférence pour le 69, je crois. Ah, oui, carrément. Bien, ah, carrément. Ah, bah oui, voilà. Et Kevin est d'accord. Parce que c'était avec Kevin. Pardon. Alors, du coup, ça fait un point pour Kevin. Il est bien ce jeu, j'aime bien. On continue. Combien de parties du corps que l'on peut pénétrer pouvez-vous me citer? Estelle, tu commences. Combien de parties du corps que l'on peut pénétrer peux-tu me citer, Estelle? j'aurais dit 5. Très bien, Kevin. J'aurais dit 3, moi. Oui, bah, donc tu dis pas mieux. Alors Estelle, c'est parti pour 5. Alors j'aurais dit les fesses, vagin, nez, bouche, oreille. C'est une très bonne réponse. On n'a pas dit comment pénétrer. Hein. Absolument. Et on s'était ça posé la. Comme coton-tige, hein. Oui, mais on s'est... d'ailleurs, on s'était posé la question pour le nombril. Qu'est-ce qu'on peut pénétrer un nombril? Pas vraiment, parce que c'est au bout d'un centimètre, c'est fini. Donc c'est pas vraiment une pénétration. Mais le petit doigt, par exemple, il rentre dans le nombril, on le pénètre quelque part. C'est pas vraiment un orifice. D'accord. Donc on n'aurait pas validé cette réponse, par exemple. Voilà. Donc Kassim arrêtera de pénétrer le nombril de sa copine dorénavant. Hein, Kassim? C'est pour ça qu'elle a des bleus à chaque fois. Non, mais mon Dieu. Kevin face à Estelle et c'est un partout, c'est ça? C'est un partout? Oui, exactement. Tout à fait. Ouais. Combien de catégories de sites porno pouvez-vous me citer? Kevin, combien t'en as là? 3. 3. Estelle? Moi, j'aurais dit 4. Ok. Je suis pas sûr de moi. Kevin? Non, je dis pas mieux. Oh, les nuls. Gars, il y en a au moins 15 qui viennent naturellement comme ça. Vas-y, sans déconner, putain. Bah, c'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude de voir. Ouais, ça va, et un peu de culture. Hein. Ah, ça fait de mal à personne. Hein. Coco, t'en aurais donné combien, toi? Au moins 15, mec. Voilà, grave. Au moins 15. Et dans l'ordre, en plus. Ordre c'est alphabétique. Par ordre alphabétique. Hein. On va commencer par anal, amateur. Ensuite. Pardon, j'en ai donné. Ah, merde. Oh, la triche en plus. Ça va. On annule toutes les catégories qui commencent par la lettre A. Voilà. Et donc c'est Estelle qui doit nous donner quatre catégories, catégories de sites porno. Quatre catégories. Mais j'ai dit des catégories, Kevin. Oh, sois concentré. Putain. Ah bah oui, bah du coup là t'en as plus. Hein. Là je suis vraiment. Ah bah carrément. Estelle, quatre catégories, c'est parti. Bah j'aurais dit hétéro, lesbienne, orgie. Oui. Et après, je voulais dire homo, mais c'est la même chose que lesbienne, en fait. Donc, Non. Bah, j'aurais dit homo pour les mecs, quoi, en fait. Ok, ça marche. Franchement, entre à 4. Mecs. Alors, Coco, il a fait le malin. Il a dit 15. C'est parti, Coco, pour les 15. On y va. C'est parti. Anal, amateur, POV, big boobs, blonde, Russian, teen, mature, ouais. MILF. Ouais. Attends, j'ai des souvenirs qui remontent là. Lesbienne, bien sûr. Il y a lesbienne, il y a ass. Big ass. Ouais. Il y a big ass. Ah, il y a scénario, c'est pas scénario. Fantastique. Il y a cosplay. Ça existe le cosplay, hein? Ouais, ça existe, ouais. Il y a cosplay et il y a hentai. Bravo! Bravo, Coco! 15 catégories! Et bon, c'est Coco! Eh, Coco, on embrasse très fort ta copine. Elle s'appelle Estelle, en fait. Et voilà, Kevin. Son deuxième travail, c'est dans le porno. Mais pas du tout. Pas du tout. Et franchement, 15, c'est pas si ouf que ça, mais. Il y en a plein d'autres encore. Bien sûr. C'est grave. Alors, Doc, tu peux. Doc, il en fait 50. Et Doc, tu peux battre Coco? Non. C'est ça. Donc, je vous en donne 20. Eh bien, on continue avec combien d'accessoires pouvant être utilisés lors d'un rapport sexuel pouvez-vous me citer? On commence par Estelle. Combien tu penses pouvoir donner d'accessoires qu'on peut utiliser lors d'un rapport sexuel, Estelle? J'aurais dit 5. 5. Vous aussi, hein, d'ailleurs, vous qui nous écoutez, essayez de réfléchir aux réponses si vous pourriez battre Estelle. Kevin, combien tu donnes de réponses, toi? Ouais, j'aurais dit 6. Ok, donc tu dis mieux. Estelle, tu dis mieux ou pas? J'ai pas mieux. T'as pas mieux. Kevin, pour 6 accessoires qu'on peut utiliser lors des rapports sexuels, c'est parti. J'aurais dit un god, des légumes, les mains. Non, ça marche pas ça. Les mains, c'est le corps. C'est pas un accessoire. Ça fait partie intégrante. Regarde tes mains. Ouais. Tu vois un accessoire? Ouais, mes doigts. Non. À la limite, une bague. Peut-être. Mais ça marche pas. C'est donc un point pour Estelle. Ça, un petit récap des points, s'il vous plaît. Alors, un point pour Kevin contre 3 pour Estelle. J'ai l'impression que c'est une victoire. Déjà qu'on peut annoncer. On se fait le dernier ou on annonce la victoire? On se fait le dernier. Estelle, en demande. On s'amuse. On continue. Combien? C'est que je suis bien avec vous. Mais c'est cool, ça, Estelle. Elle est trop mignonne. Ouais, mais tu voulais perdre. Ouais. Combien de synonymes du mot pénis pouvez-vous me citer, Estelle? Euh... Je sais qu'il y en a plein, mais là, comme ça, j'en vois pas. Je vais dire 2. 2. Kevin. 3. Estelle, pour le fun, dis 4. Ah, mais je trouve pas comme ça. Allez, il y en a plein. Bah, allez. Bah, ouais, mais c'est ça, c'est dans le jeu, là, je trouve pas, en fait. Je sais pas. Bah, allez, je vais dire. Qui dit c'est 3, et je pense que je vais avoir les mêmes que lui, mais. Je sais pas, je sais pas dire 4. 4. Je sais qu'il y en a plein, mais. T'as dit 4, Kevin, tu dis plus? Non. Bon, attendez. Kevin, 4 synonymes du mot pénis. Bah, déjà au moins 10 facile. Ouais, mais là, sur le coup, moi, je les ai pas non plus, tu vois. Estelle, pour 3, synonymes de pénis. Alors, la teub, la bite, le concombre. Le concombre. Ah oui, hein, bah, ça fait partie. Concombre, poireau. Et sinon, un petit surnom mignon, copain. Copain. Très bien. T'as le copain. Toi, t'appelles la bite de ton mec copain. Salut mon copain. Il a besoin de rentrer à la maison. D'accord. C'est une victoire d'Estelle ce soir. Bravo Estelle, bravo ma chérie, t'as été formidable. Même si franchement, vous n'avez pas tout déchiré. Moi, je retiendrai Coco avec ses 15 rubriques de sites pornographiques. Voilà. Du coup, c'est Kevin qui a le lot de consolation qui passe la soirée avec toi. Tu passeras une soirée avec moi. Et alors, du coup, comme je suis pas dispo, je vais me décommander. Tu la passeras avec Doc. Je suis pas là. Arrête, Doc. Il va t'emmener en boîte. Avec Alice. Comment? Il peut pas la passer avec Alice. Ça se trouve, il y aura un bon feeling. Ah non, mais dans Estelle, j'ai l'impression que c'est toi qui as fait les règles du jeu. À la fin, tu choisis les cadeaux, tu choisis les trucs. C'est l'organisatrice de la soirée. C'est ça. Estelle, tu repars avec ton mini drone. Kevin, tu repars avec ton pack Love and Fun. Et tous les deux, beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Merci d'avoir joué avec nous. Gros bisous, les amis. Bonne soirée à tous. Bisous. Ouais, Kevin. Ouais. Je peux faire une dédicace vite fait. Je peux faire une dédicace à deux potes à moi qui m'écoutent, Loïc et Thomas. Gros big up à eux. Salut, Kevin. Salut. Ciao. Salut, et Paul. C'est Paul qui nous rejoint. Il a 25 ans. Il est de Lyon. Bonsoir, Paul. Salut à tous. Salut, Paul. Une petite question là, à poser dans un instant, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, moi, ma meuf chope des mycoses régulièrement. Ah, bah voilà, on va parler mycoses. Des petits champignons dans un instant sur Fun Radio. Vous restez bien avec nous. Et oui, comme dit Alice, bon appétit à tous. Merci d'être avec nous. On va parler coup de foudre aussi avant la fin de l'émission. Si vous avez déjà eu un coup de foudre pour quelqu'un, c'est le moment de venir nous en parler. Est-ce que ça marche ou pas? 01 42 48 5000, Loud Luxury Body dans 3 minutes. Le calendrier de l'Avent est de retour sur Fun Radio. Tous les jours, inscrivez-vous en envoyant le mot Noël par SMS au 74 900 pour tenter de gagner des PS4, des séjours à Avoria 1800 pour le réveillon, des Nintendo Switch et plein d'autres surprises. C'est gagné, bravo! C'est déjà Noël. Merry Christmas! Avec le calendrier de l'Avent Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. MC. Bonjour, c'est David Ginola. La grande finale de la France en incroyable talent est enfin arrivée. C'est magnifique, c'est un cadeau. Voilà, c'est du génie. Qui sera sacré grand gagnant de la France en incroyable talent 2018? Leur destin est entre vos mains. La France a un incroyable talent. La grande finale en direct, c'est demain à 21h sur M6. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Sur funradio.fr. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía. Le doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo de ahí. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu pavo con la for y lo espanto. Ya me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Romeo, pero no santo. A tu pavo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Dile que tú eres mía de Terai. El yerno favorito de tu Mike. El coco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu pavo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera para recordar los tiempos en la escalera. Dile que ya no soy cualquiera. Yo soy tu primero, tú eres mi primera. Love Fun que vous pouvez retrouver en podcast. Hein. Vous voulez réécouter les émissions, elles sont dispo sur le site de Fun, funradio.fr. Vous pouvez aussi nous regarder, on est en streaming tous les soirs hein, sur le site de Fun, funradio.fr, n'hésitez pas. On va dans un instant parler des coups de foudre. Si vous avez déjà vécu un coup de foudre, venez nous raconter ce que ça a été une bonne relation ou au contraire ça a été un truc à sens unique hein, parce que souvent on a un coup de foudre pour quelqu'un mais le coup de foudre n'est pas partagé hein, ça arrive. 01 42 48 5000 là on a Paul qui est avec nous, il a 25 ans, il est de Lyon et on va parler de chasse aux champignons. Bonsoir Paul. Salut à tous. Bonsoir. Salut. Paul, je parle oui. Le champignon parce qu'on va parler mycose. Tout à fait. Alors explique-nous, que se passe-t-il? Donc en fait le souci c'est que je suis en couple maintenant depuis 3 mois avec une fille avec qui tout se passe très très bien et malheureusement elle a des mycoses régulièrement. Donc du coup on a fait tout ce qui est test, donc IST, MST, etc. Elle est vierge de toute chose et ça n'empêche pas que ces petits champignons reviennent régulièrement et malheureusement j'en ai attrapé également et moi c'était un peu la première fois pour moi. Du coup je savais pas trop comment réagir. Et ça s'est manifesté voilà. Comment sur ta teub? Rougeur, démangeaison. Ah, et putain, c'est ça, c'est typique. Principalement. Et c'est vrai que du coup j'en ai parlé à un médecin et le médecin du coup m'a prescrit une crème antifongique, mais c'est vrai que je savais pas trop comment réagir à ça et je savais pas trop comment gérer ça en fait. C'est pas très compliqué, hein. C'est évident qu'elle a une mycose, donc elle te la transmet et qu'il faut soigner les deux à la fois, parce que sinon, toi, tu peux aussi en avoir un peu sur toi. Elle se traite et hop, toi, tu la récontamines et ainsi de suite. Et puis après, on s'en sort plus. Donc il y a un moment donné où en fait, faut traiter les deux personnes exactement au même moment. Et plus de relations sexuelles. Le mieux, c'est d'avoir des relations sexuelles avec préservatif pendant ce temps-là, pendant le traitement. Ou pas de relation, mais en tout cas avec un préservatif, ça peut aller. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est elle a déjà été traitée, donc j'ai compris. Bah, on s'est traité en même temps, oui, effectivement. On s'est traité en même temps. On a fait des tests, les deux tests sont vierges. Et elle a vu le gynécologue, et le gynécologue n'a pas trouvé d'explication, en fait. D'accord, donc ouais, en fait, ta question, c'est de savoir pourquoi elle a des mycoses, quoi. C'est ça. Oui, il y a plein d'explications possibles. Normalement, le gynéco aurait dû un peu lui dire, mais c'est des mycoses à répétition. Elle en a eu plusieurs. Oui, c'est ça. Ça, grosso modo, comme une nana qui pourrait avoir une infection urinaire, en fait, régulièrement. Ouais. Mais à chaque fois qu'elle a eu une mycose, elle a été traitée. Oui, tout à fait. Et à chaque fois, ça revient. Tout à fait. D'accord. Alors évidemment, il faudrait déjà voir les traitements qu'elle a pris pour les mycoses, parce qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Ensuite, normalement, on fait des prélèvements sur lesquels on regarde les champignons et à quoi ils sont sensibles. Donc, il faut donner le bon truc auquel le champignon est sensible. Ça, c'est déjà une chose pour être le plus efficace. Mais ensuite, il y a des facteurs favorisants à la mycose. D'abord, et très très principalement, ce qu'elle utilise pour la toilette intime. Intima. Intima, c'est top, Doc. Ouais. J'ai vu la pub à la télé, ça a l'air super. Alors, Alice utilise Intima, je crois. Oui, ça m'arrive. Je sais. Qu'est-ce qu'elle utilise, ta copine? Je sais qu'elle a un savon spécial. Elle a un savon spécial. Alors après, la marge, je ne l'ai pas en tête, mais elle a quelque chose de spécial, ouais. Mm-hmm. D'accord. Bon, faut voir. Si c'est toujours le même depuis très longtemps, ça peut valoir le coup d'en changer. En prenant toujours des savons spéciaux, qui sont faits que pour ça, jamais de gel douche, jamais de savon. Voilà. Bon, ça c'est déjà une chose. Si elle a déjà changé de gel douche pour la toilette intime, eh bien, des fois c'est à l'eau claire. Il y a certaines femmes où il leur faut vraiment aucun produit parce que ça perturbe la flore vaginale et par conséquent, il faut revenir à l'eau claire. Et puis, sinon, c'est aussi un déséquilibre de la flore vaginale et dans ce cas-là, faut prendre des probiotiques pour refaire la flore vaginale. Si par exemple, elle a pris des antibiotiques une fois, eh bien, ça va perturber la flore vaginale, donc il faut des probiotiques à nouveau. Et puis, il existe aussi un traitement de probiotiques spécifiques pour tuer le candida. Le candida, c'est le champignon le plus fréquent dans les vaginoses et dans les mycoses. Vaginose. Voilà. Et donc, le candida albicans, c'est le champignon le plus fréquent. Et il existe des probiotiques spécifiques pour tuer le candida, pour arriver à débarrasser la flore vaginale de ce candida et remettre les bonnes bactéries, puisqu'il y a des bonnes bactéries et des bons champignons qui vivent tous et toutes en bonne intelligence les uns avec les autres, et c'est indispensable qu'il y ait une flore normale, voilà, qui fonctionne bien. Et ben voilà, et ben ça fera 57 euros la consultation, Paul. Alors on est sur un tarif de nuit, donc on double. Hein. Voilà. En espèces. Voilà, c'est en espèces, hein. Tu vas régler Coco au standard. Ah mais t'inquiète pas, Paul. C'est un mauvais truc pour vous là en ce moment, mais ça va. Voilà, fois que il faut évaluer tout ça. Hein. C'est important d'évaluer tout ce dont j'ai parlé là. Ah, j'ai déjà eu à faire une petite mycose, moi. Et j'ai ma copine qui avait une mycose. Je te le dis, Coco. J'ai ma copine qui avait une mycose, et en fait je sentais que quand je la pénétrais, je sais pas si ça s'est passé pour toi Paul, il y avait comme une sensation de gêne, quoi, tu vois, genre déjà ça me brûlait à la fin, ouais, du rapport, mmh. Et puis pendant le truc, enfin je sentais que c'était pas comme d'habitude, quoi. Alors c'est ça, c'est pas comme d'habitude, ça gratte un peu, c'est vraiment pas top. Tout à fait. Alors, voilà, chez l'homme, pour éviter le champignon, il y a un truc qui marche bien, bah c'est de bien sécher. Il faut bien s'essuyer avec une serviette sèche aussi un peu, hein. Voilà, ou la capote, de loin aussi, pour le coup. Et la capote. Bien sûr, et j'imagine, puis vraiment sécher, même au sèche-cheveux, pour qu'il n'y ait pas du tout d'humidité. Évidemment, chez la femme, c'est plus compliqué. Ok, mon Paul. Ouais, sèche-cheveux. Oh, ok, ça marche. On te fait des gros bisous, Paul. Tu reviens quand tu veux. Salut à toi. Une dernière chose, Karel, je peux te demander un truc. Ouais. Après de la consultation, il y a moyen de te gratter un sextoy des loups? Dis donc, il est bon lui, hein, Paul? Il est malade ou quoi, le sextoy? Il coûte 4 fois la consultation. Il est complètement ouf, ce mec. Écoute, Paul, moi je gère pas ça. Moi, tu sais quoi, moi, on me demande un truc, j'ai envie de te dire oui, mais après il y a l'intendance. Hein, ouais, soigne ta bite parce que tu vas abîmer nos sextoys. Paul, tu gères ça avec Corentin et Meloche, d'accord? Ça marche, allez, bonne soirée. Gros bisous, mon Paul, salut à toi. Et on a une question à la con, c'est parti. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. C'est une nouvelle question à la con et c'est Yannick qui vient nous poser une petite question. Bonsoir Yannick. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Bonsoir Yannick, quelle est ta question à la con ce soir? Moi j'ai une question, c'est est-ce que si je pète sur un briquet, je peux allumer un feu? Alors, j'ai vu ça, mais j'ai bien vu, sûr, c'est incroyable. C'est du méthane, hein, donc si tu mets un briquet... Ouais. ça fait des flammes. Non mais c'est ça, non mais. Mais de là à allumer un feu. Ouais, non, c'est peut-être. Ah bah attends, ça dépend qui fait le gaz. Mais ça dépend un feu de quoi. Ouais, et puis ça dure, combien de temps dure le paix. Ouais, c'est ça, ça dépend du paix. Un retour de flamme, quoi, aussi, c'est ça, je m'inquiète. Ça, tu risques le retour de flamme, c'est ça clair. Ça se passe comment, le retour de flamme, justement? Parce qu'on dit toujours, il faut pas faire ça avec... Il faut pas péter sur un briquet, il faut pas le faire avec le déo aussi. Il y en a qui font ça avec le déo. Très dangereux. Ouais, j'ai déjà fait. Oh, pardon. Ça se passe comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, pourquoi ça se passe comme ça? Ah bah c'est juste le retour du gaz en fait. Ça part et puis. Et ça le fait dans les fesses aussi. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça crame les poils. Ah ouais, là c'est ça. Doc, t'as essayé, j'ai l'impression. Non, mais j'ai vu faire. Allumer le feu. Merci Yannick pour cette question. Mais de rien. Et donc, merci de m'avoir éclairé. Et toi, t'es un génie, toi. Hein, mais personne ne le sait. Mais. Je te le dis. Ouais, moi je fais ça avec les chalumeaux. Ah oui. Eh ben bon courage Yannick, fais quand même attention à ton anus. Oui, c'est ça. Ouais, on va essayer. Salut Yannick, on te laisse avec Johnny. Bisous la famille. Salut, gros bisous. Yannick était avec nous pour poser sa question à la con. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des questions à la con, n'hésitez pas. 01 42 48 5000. Dans un instant, avec Alice, on va parler de coup de foudre. On a reçu un message de Chloé. En fait, elle est en couple, mais elle a eu un coup de foudre pour un vendeur dans un magasin. Et là, elle est en mode gros dilemme. Elle hésite en fait à tout quitter pour partir avec ce mec qu'elle connaît à peine, quoi. C'est ça. Tu connais à peine la personne, et là, il se passe quelque chose. Il y a plus que ça qui compte, quoi. Elle fait que penser à ce mec-là, alors que pourtant, elle est en couple depuis quelques mois. Bah ouais. Et dites-nous si ça vous est déjà arrivé. 01 42 48 5000. Si le coup de foudre, ça peut vraiment débarquer sur une vraie relation. 01 42 48 5000. Au contraire, ça a été un échec. On va pas se le cacher. Ça a été une torture. Voici Alesso Remedy sur Fun Radio. I didn't know that I was broken until I found my missing piece. It seemed like every door was closing on me. You were so far out of reach. Drunk on the night, you got lips like your wine. I got nothing but time for you. Feeling so high on that look in your eyes. I got nothing but time for you. I believe that loneliness is my disease. Circling the drain. Mm-hmm. But now you show me I can learn to, yeah, how to be okay again. Oh, feeling so high on that look in your eyes. I got nothing but time for you. Oh, I believe that loneliness is my disease. Allez, ce Remedy sur Fun Radio. 22h à minuit. 0 42 48 5000. Avec Karel, Alice et Doc. Love and Fun sur Fun Radio. Love in Fun sur Instagram, n'hésitez pas à nous suivre hein, sur l'Instagram, on vous met des stories tous les jours, des stories de sur la story de Love in Fun, du compte Insta justement. On a aussi le compte perso, c'est lequel le tien Alice? Moi c'est Alice-du-bas radio. Moi c'est Karel Fun Radio. Kassim aussi en a un, c'est quoi toi Kassim? Ouais, c'est Kassim Fun Radio, avec un K comme Karel. Tu mets jamais de photos Ouais, très peu, je mets des petites stories de temps en temps, mais c'est vrai que je suis pas trop photo. Les gens l'unfollow en fait quand ouais, tu publies des photos, ça. Du coup c'est un peu gênant. Mais voilà. Alors n'hésitez pas à follow Kassim, ouais. ça va créer chez lui voilà une beaucoup euphorie. D'amour, une euphorie, il va être content et après vous l'unfollow. Ouais, mais plus des meufs. Ouais. Parce que des petits mecs de 15 ans, non, ça m'intéresse pas. Plus des meufs d'une vingtaine d'années qui sont bonnes. Ah ouais, mais elles vivent pas dans ton monde, elles s'intéressent pas à toi, ouais. Ces filles-là, j'ai l'impression. Ouais, mais putain, pourtant, moi je suis des meufs hyper bonnes d'ailleurs sur Instagram, ouais. Mais elles me follow jamais. C'est qui la dernière personne, voilà. Je sais pas, il y a quelqu'un de connu qui t'a follow récemment Sur Twitter, ouais. Ah, pas sur Instagram. Qui t'a follow? Malika Ménard, une ancienne Miss France. Putain, je dis, ouais, truc de ouf, quoi. Non, mais comment c'est possible? Bah, je ça sais pas. Même moi, je me pose la question. Alors, Malika Ménard te follow sur Twitter. Un ouais. Piratage. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir Malika Ménard au téléphone ce soir? Meilleur moyen qu'elle l'unfollow, ça. Ouais. Non, parce que parfois tu fais pas attention, tu follow quelqu'un. Grave, le doigt arrive. Non, mais on a tous une personne sur Twitter, voilà, dont on est fier d'être follow, quoi. Ah ouais. Hein, Alice, t'as été follow par qui toi sur Twitter? James Arthur. James Arthur. Ah, j'adore. Putain, pas mal. Ah ouais, pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Moi, j'ai été follow par Noémie Lenoir. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, pas mais mal. C'est pas une star internationale comme James. Si, c'est une star internationale. Excusez-nous, Doc, t'as pas Twitter. Non, t'as c'est ça. J'ai dit non à Twitter. Non mais voilà, Coco, t'es follow par qui toi? Personne, mec. Je suis même pas sûr qu'on le follow, nous. Ah putain, si, moi je te follow, Coco. Non, t'as même pas mon numéro de téléphone. Si, alors dis pas ça. Si j'ai ton numéro de téléphone. Vrai. Depuis qu'Alice te l'a donné pour me fêter mon anniversaire, c'est vrai. Sans déconner, tu vas nous faire passer pour quoi là? Kiffe, hein, ouais, c'est ça. Allez, on va accueillir Sophie qui est avec nous. Elle a 25 ans, elle est de Paris. Bonsoir Sophie. Ouais, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Love in Fun. On a aussi Abigail qui est là sur Fun Radio, 20 ans de Toulouse, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Toi, Sophie, avec toi, on va parler du coup de foudre. C'est une question qui nous a été posée sur les réseaux sociaux, justement, on en parlait Alice. En fait, on a reçu un message de Chloé, elle est en plein dilemme parce qu'elle est avec son mec depuis quelques mois, sauf qu'elle a eu un vrai coup de foudre pour un mec, un vendeur dans un magasin, quoi. Et du coup, elle le connaît absolument pas, mais il y a eu un vrai feeling, ils ont parlé un peu et du coup, elle veut tout quitter pour lui. Ah mais c'est fou ça. Ah ouais. Genre en un claquement de doigts comme ça. Hyper fort quoi. C'est alors Doc, c'est un regard en général. C'est un regard et là il se passe un truc foudroyant. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Et il y a un truc un peu chimique, Doc. Complètement. On l'explique. Oui, oui, ça libère plein de molécules. Alors, qu'on va trouver aussi dans le sentiment amoureux, en général. Mm-hmm. Voilà, mais qui vont être beaucoup plus forts dans le coup de foudre. Après, évidemment, c'est aussi les inconscients qui parlent, hein, notre cerveau reptilien, tout ça. Et voilà, et ça vient dire quelque chose sur soi. Ça veut dire qu'on est, on s'est rendu disponible à. Voilà, on est prêt à quelque chose. Mais quand on connaît pas l'autre, voilà. C'est... Oui, voilà, c'est ça. On c'est tombe souvent amoureux très très physique. D'une apparence, d'une personne comme ça physiquement. Mm-hmm. Mais comme tu dis, ça peut venir de l'enfance. Il peut y avoir un rapport. Par exemple, on peut tomber amoureux d'une personne qui nous fait penser. Alors c'est con ce que je vais dire, hein, mais ça peut être ça à notre mère quand on était plus jeune, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais après, c'est pas conscient, évidemment, que quand on la voit, on se dit pas tiens, c'est oui, ma mère. C'est maman. Bien évidemment. Mais c'est des vieilles images qui sont ancrées en nous, elles sont là. Tata Odette, voilà. On vit avec. Bah bien sûr. Alors justement, je ne sais pas si c'était déjà arrivé toi d'avoir un vrai coup de foudre, Sophie. Bah, si, complètement. En fait, ça faisait quelques mois que j'étais en couple avec une personne et j'ai rencontré la personne avec qui je suis maintenant. Ouais. Et pareil, coup de foudre, mais ça a été instantané. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à comprendre ce qui se passait. Mais n'empêche, après, il n'y avait plus qu'elle. Donc voilà, et si jamais elle pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment un coup de foudre, bah, plaque tout, parce que aujourd'hui personnellement, je vis le rêve de ma vie et je suis mariée. Ok. Eh ben, non, mais ça, c'est comme fou. Quoi, ça marche. Oui, ça a marché pour toi, parce que le coup de foudre était réciproque. C'est, oui, parce que c'était réciproque. C'était hyper culotté quand même, parce que bon, il faut oser tout plaquer. Mais bon, voilà quoi. Mais... C'est pour vivre ça, après, il n'y a que ça qui compte. Il y a aussi que tu l'as découverte, cette personne, et qu'en la découvrant, ça matchait. Oui, ça matchait, oui, voilà. Complètement. Ah, parce que, malheureusement, après un coup de foudre physique comme ça, on se regarde, clac, ça y est. Et puis quand tu découvres l'autre, la personne que tu découvres, là, ça marche pas. Bon, voilà, ouais, c'est quand même. Il y a de ça aussi. C'est vrai que le coup de foudre, généralement. Mais voilà. Là, pour le coup, c'était réciproque. Et souvent, quand il y a un vrai coup de foudre, l'autre personne, c'est réciproque aussi. Je pense que c'est aussi pour ça que le coup de foudre fonctionne. Mais après, il y a aussi, moi, je sais pas, tu peux très bien avoir une attirance physique pour quelqu'un, tu vas lui parler, et au fur et à mesure où tu lui parles, tu commences à voir ses petites mimiques, son sourire, tu vois, et tu tombes sous le charme, et c'est un peu comme un coup de foudre quand même, je sais pas, c'est pas tout à fait exactement la même. Parce que le coup de foudre, c'est direct, quoi. Ouais. Oh, putain. C'est ça. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, si c'est ce qui s'est passé pour cette personne-là, pourquoi pas? Si l'autre personne avec qui elle est actuellement, c'est pas forcément sérieux, bah, pourquoi pas apprendre à connaître le coup de foudre? Bah, de toute façon, quand ça arrive, ça veut dire que tu t'es rendu disponible à, t'as ouvert les portes, t'as ouvert la possibilité. Donc, si ça arrive, bah, faut peut-être aller au bout du truc et voir ce qu'il y a derrière. Voir qui est cette personne. Voilà, déjà, si c'est réciproque, et d'un, et puis de deux, bah, qui est-ce? Voilà. Ouais, il faut aller au bout du truc, quoi. Alice, t'as déjà eu un coup de foudre, toi? Bah, en fait, j'ai la sensation d'avoir eu pas mal de petits coups de foudre, mais genre comme ça, tu vois, genre tu rentres dans le bus, il se passe un truc, il y a une attraction, un mini truc avec quelqu'un que tu vas plus jamais revoir, et puis basta, quoi. D'accord, donc tu vis pas le coup de foudre. J'ai jamais vécu le truc jusqu'au bout, mais j'ai déjà eu des eye contact vraiment intenses. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Vas-y, avec qui? Avec des gens comme ça dans la rue. C'est qui, là? Bah, c'est des mecs, je les connais pas, mais ils sont vachement, je sais pas, il se passe un truc, quoi. Des fois, il se passe quelque chose. Et puis, tu sais pas l'expliquer, et puis après, ta journée continue, et puis, t'oses pas, tu vas pas voir la personne en disant, salut, qui tu es? Non. Ouais, c'est voilà. Ça, ouais. Genre, non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a une attraction qui est juste physique, tu vois. Ah ouais. Et tu le disais tout à l'heure, des fois, parfois, t'as la sensation de, en apprenant à regarder la personne sans forcément lui parler, que, direct, tu changes un peu d'avis sur elle, mais ça m'est déjà arrivé comme ça. T'as des mecs, tu les vois d'une certaine façon, oh, t'as le coup de foudre, et là ils se retournent un peu. Salut. Oh, il a plus le même profil, ça va pas du tout. Il ouvre la bouche, ça va pas, et puis c'est parti, quoi. Non, mais tu te fais une idée de l'homme parfait, quoi. Bien sûr, on va accueillir Abigail. Bonsoir, Abigail. Bonsoir. Bonsoir, Abigail. Salut. T'as 20 ans et t'es à Toulouse, toi. Oui, tout à fait. D'accord, t'es très très loin là. T'es où là, à Toulouse? Je suis sur un balcon. D'accord, et tu ne captes pas bien, Abigail, hein, je te le cache pas. Non, je capte pas beaucoup. Ça va être compliqué, Abigail, je suis désolé. Coco? Coco, je demande un standardiste sur la 12. Ouais, Coco, tu m'entends? Oui. Coco, bah, t'es en face de moi, dis donc. Oui. Non, parce que je te voyais partir, là. Nous sommes avec Abigail, nous ne l'entendons pas. Et c'est pour ça que j'ai pris la porte. J'avais anticipé. Abigail? Oui. Ma chérie, vas-y, parle-nous de ton coup de foudre. Et si jamais on t'entend pas bien, je suis désolée, ça va pas le faire. Il n'y a pas de souci. Mais écoutez, moi j'ai rencontré mon copain sur Tinder il y a 7 mois de ça. Ça va pas le faire. Je suis désolée, Abigail. Franchement, vraiment, on aimerait beaucoup te passer à l'antenne, mais tu vois, si on t'entend pas bien, ça va être compliqué, ma chérie. Oui. D'accord? D'accord. Bah, attends, on l'entend un petit peu quand même. C'est Kassim. Alors moi, je vous dis, moi, j'aimerais bien qu'elle parle. Mais c'est Kassim qui me dit, non, on l'entend pas. Les auditeurs vont tous zapper. Parce que si tu continues, il me parle comme ça dans l'oreillette, hein, souvent pendant les émissions et tout. Souvent, d'ailleurs, quand je parle à Alice, il me dit, ah, vas-y, l'écoute pas. Elle raconte que des conneries. C'est vraiment un connard, ça. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, la fille prend tout au sérieux, tu sais. Abigail, est-ce que t'as changé de position? Oui. D'accord. Bon, ça change rien. Ça va pas être mieux. On te fait des gros bisous, ma chérie. Ça marche. Abigail, on t'embrasse très très fort. Le coup de foudre, faut-il y croire? Moi, j'y crois. Et la preuve, Sophie nous l'a dit, ça peut fonctionner. N'hésitez pas à croire en vos rêves. 01 42 48 5000. On va accueillir Johan, 19 ans de Trappes dans le 78. Salut, Johan. Salut. Salut. Salut, Johan. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, Johan? Ah, je vous appelle car je suis addict au jeu d'argent. D'accord. T'es un peu stressé aussi. Ouais, j'ai cru que ça allait être pire, ton histoire.

De 22h à minuit. Du sexe. De l'amour. Et du fun. Love in fun. Love in Fun, du dimanche au jeudi, 22h minuit avec vous tous, vous toutes. J'espère que tout va bien, que vous passez une bonne soirée de l'autre côté de la radio. Là, vous êtes peut-être dans votre lit, là, tranquille, en train d'écouter l'émission. Il y en a beaucoup qui sont sur les routes aussi, qui nous écoutent tous les soirs. On salue les routiers. Les routiers, salut, là, dans la cabine. Ouais. Et puis, il y a pas que les routiers, hein, qui nous écoutent et qui bossent là, en ce moment. Il y a aussi tous les métiers dans la sécurité. Je pense aussi aux pompiers, aux ambulanciers qui sont branchés aussi tous les soirs dans la Vin Fun. Qui d'autre nous écoute, Kassim ? Les traders. Ouais, les traders. Il y a les nounous aussi. Les nounous. Les parents, ils sont allés faire la teuf dans des clubs échangistes et du coup, ils prennent une nounou. Alors du coup, la nounou, elle nous écoute, quoi. Passer le temps. Oh, les scénarios de Kassim. Quoi. Ouais. Il y a aussi les caissières qui travaillent tard. Ouais. Il y a aussi, je sais pas moi, les plongeurs. Les plongeurs. Parce que tu sais, tu peux écouter aussi si tu fais de la piscine, tu sais, t'as des écouteurs pour nager. Tu peux écouter le Love in Fun même sous l'eau. Ok, Kassim. Voilà. Ok. Il y a aussi les pilotes de ligne. Ok. Bonsoir, Johan. Bonsoir. Johan. On avait un petit moment de solitude avec Kassim. On s'est dit qu'il fallait enchaîner. T'as 19 ans et t'es à Trappes, Johan. C'est ça. Bon, et t'es addict au jeu d'argent. Parle-nous-en, là. Grosso modo, je vous appelle parce qu'en un mois, j'ai perdu quasiment 800 euros. 800 voilà. euros en un mois, t'as joué à quoi ? Tout ce qui va être paris sportif et un peu de poker. Très bien, et là tu te sens dans un engrenage, c'est assez nouveau, t'as toujours été joueur, raconte-nous ton parcours un petit peu au niveau du jeu. Disons que c'est pas nouveau, genre au départ je gagnais une certaine somme, donc du coup ça compensait et c'était plutôt le fait, entre guillemets, l'envie de gagner, quoi. Bon, toujours plus, on se dit bon ben ça marche, au pire si on perd on se refait, et du coup là disons que ça commence à devenir un peu compliqué financièrement. Ça, alors, c'est l'hypothèse ouais. De ah ouais, je vais me refaire. Mais ça, on la connaît tous avec les jeux d'argent et tous les jeux en général. Ça a commencé quand ? Ton attrait pour les jeux, de toute manière ? Il y a un an et demi. Il s'est passé quelque chose de particulier juste avant ça, avant que tu commences. Pourquoi tu y étais allé vers ça ? Parce que bah, je travaillais un peu de... En fait, je vais tout dire, je travaillais à mi-temps, c'était un peu compliqué. Donc du coup, je me suis dit, pour avoir un peu plus d'argent, pourquoi pas. Et ouais. Au départ, j'ai commencé à me faire... pas mal d'argent, donc c'était bon, bah ça marche, donc on continue, quoi. C'est le principe, Johan. Quand on joue comme ça au jeu d'argent, on gagne toujours au départ. Hein, c'est vrai, hein, tu gagnes toujours au départ, tu finis toujours. Même quand tu arrives au casino, tu gagnes un petit peu, généralement. Bon, sauf si tu t'appelles Alice, hein, et que tu perds. Mais attends, ça va, tu déconnes ou quoi? Mais au moins, ça me soigne. C'est-à-dire qu'il retourne pas. Ah, j'ai déjà vu Alice au casino, qui arrivait avec 30 euros et qui a perdu 30 euros. Ouais, c'était 40 balles déjà en plus. Mais je partais du principe que j'allais les perdre. Et puis je venais pour le plaisir de jouer, tu vois. Bravo, Alice. Et puis même quand je gagnais, bah, je voulais relancer. Mais de toute façon, bon, après, voilà, quoi. Il y a des casinos, c'est de la merde aussi. Ah, t'as des jackpots, jackpot de l'année à 150 balles aussi. J'ai déjà vu Alice derrière une machine à sous. C'est plus la même Alice. Ah, bah, je ne cligne même plus des yeux. Tu sais, tu sens qu'elle est. Mais c'est ça aussi. Quand tu joues au casino, t'es comme hypnotisé par la machine. Ah ouais. T'appuies sur le bouton. Et moi, je sais que j'ai un problème avec ça. Donc, je me contiens. Parce que même les tickets à gratter, les trucs comme ça, ça me rend taré, quoi. Le côté jeu de hasard, en plus. Ah ouais, non. Ah, écoute ça, Alice. Mais tu entends jamais, ça, Johan? J'ai jamais entendu en vrai. Le jackpot, mon gars. Bah, Johan, là, le jackpot, c'est pas ça. J'ai eu un patient dans le cabinet de médecine générale qui, à peine son salaire tombé, jouait tout en jeu de grattage. En jeu de grattage. Voilà, et c'était dépensé. Et gagnait ou pas? Non. Jamais. Non. Mais bah, tout est fait. Si, mais bon, mais de toute façon, mais dès qu'il gagnait quelque chose, il le rejouait et a racheté un truc à gratter. Et voilà, et tous les mois, il était. Voilà, mais tout est fait pour que tu joues. En fait, t'as toujours la sensation que t'es à deux doigts. Moi, je sais que j'ai attendu des années avant d'aller dans un casino parce que je savais que j'étais une grande fan de ça. Et j'ai eu la chance d'aller dans un casino genre à Las Vegas où t'avais le super jackpot à 16 millions d'euros, quoi. Pas vrai. Et genre, je me trouve avec un délire, je peux tenter le super jackpot. Oh, et la petite roulette qui tourne et là, ça s'arrête sur le super jackpot. Je suis comme une tarée. Mais t'as je gagné, me quoi. Lève dans le casino, je commence à faire comme ça, genre avec les bras en l'air et tout. Et là, clac, ça se décale. Au final, je gagne que 50 balles. Ah, quand même, 50 ouais, balles. Ouais, mais les enfoirés. 16 millions, 50 balles. Bah ouais, et tu sais, ça reste bien dessus. Et tu dis, vas-y, j'étais à deux doigts. Donc là, la prochaine, c'est la bonne. Bah, mais bien ouais. sûr. Sauf que c'est fait exprès. La prochaine, t'as plus rien. Mais c'est fait exprès. Tout est fait exprès. Ah, c'est pour ça, moi, j'ai décidé. Oui. Non, mais j'ai décidé de pas jouer. Comme ça, pas de problème. Oui, je suis rentré dans un casino deux, trois fois. Ça m'a fait la même chose. J'ai vu ce que ça donnait. J'ai dit, hop là, je vais être addict. J'y vais pas. Ah ouais, mais il y en a qui sont sujets à l'addiction, hein, comme Johan d'ailleurs. Johan, il faut que tu te sortes de là. Et est-ce que tu ressens le besoin de te faire aider par rapport à cette addiction que tu as là? Oui, plutôt. Alors tu sais que déjà, si tu vas dans les casinos, tu peux te faire interdire. Ouais. Ça, c'est important. Il y a aussi un numéro de téléphone qu'on va te donner là en antenne. On peut même te le donner à l'antenne. Hein. Tu l'as, Cassine? Ouais, je l'ai. C'est le 09 74 75 13 13. Faut que tu te fasses interdire de toute façon le casino et de tout ça, comme ça t'es sûr de pas pouvoir y rentrer et de pas pouvoir en abuser. Ouais, mais ils jouent aux paris sportifs. Alors, les paris sportifs, oui, c'est la après, même chose. C'est sûr, quoi. Je veux dire, c'est des sites internet avec des accès et tu peux leur demander à te désinscrire, etc. Et il faut surtout pas que tu continues parce que si t'as, voilà, une tendance, comme disait Doc, à tomber là-dedans, tu seras forcément perdant, parce que sinon ils n'auront aucun intérêt à le faire. Je veux dire, moi aussi je me suis pris au jeu sur des paris sportifs, et en fait tu gagnes. En plus ils t'offrent ton premier pari, c'est bien foutu et tout. Après, enfin voilà, tu peux t'amuser et définir un budget tous les mois et tu gagnes ou tu perds. Voilà, c'est le budget que tu dépasseras pas. Mais si t'es pas capable de t'en tenir à ça, à ce moment-là, si tu commences à dépasser, si on a une personnalité addict, c'est-à-dire qu'on a une facilité à tomber dans l'addiction, c'est très difficile de se tenir en disant ouais bon allez tiens je mets juste un peu plus cette fois-ci et puis oui, ça y est plaisir, la machine est lancée est puis, donc il faut se faire aider. Ce qu'il faut voir aussi c'est que l'addiction c'est établir un lien fort avec quelque chose qui vient remplacer un autre lien affectif qu'on devrait avoir ailleurs. C'est-à-dire que bah, souvent, c'est un lien d'amour qui n'y est pas. Quand on n'est pas amoureux, ou quand on l'a été et puis que ça s'arrête, ou qu'il y a eu un lien souvent dans l'enfance qui ne s'est pas bien fait. Et du coup, on va aller créer un faux lien avec un truc qui n'a aucun intérêt, que ce soit de la drogue, que ce soit un produit ou que ce soit un jeu. C'est exactement la même chose. Tu comprends pas ça, Johan? Ouais, je vois, je vois. Vous parlez d'interdiction, j'avais une question, ça dure combien de temps une interdiction par hasard? Est-ce que vous sauriez? Alors, franchement, alors là, j'ai pas l'info, mais... Tu peux demander que ce soit à vie, hein. Non, mais et surtout, si tu veux, on peut appeler le numéro de téléphone qu'on a donné, là. On va essayer de l'appeler en direct, comme ça, on va voir comment ça se passe. Justement, on se met à la place de celui qui a un problème avec les jeux, et on appelle le numéro de téléphone qu'on vous a donné. Donc le 09 74 75 13 13. Déjà, une petite musique dynamique pour nous accueillir. Bienvenue à Joueur Info Service. Oui. Service d'information et de prévention sur la dépendance au jeu. Tout à fait. Cette ligne est accessible au prix d'une communication locale. Appel non surtaxé. Voilà. Attention. Comme nous, c'est gratuit. Ce service est indépendant des sites de jeux en ligne. Tout à fait. Il ne s'agit ni d'un service technique, ni d'un service de réclamation. Ah. On y va. Alors déjà, on va savoir si on est accueilli assez rapidement ou pas. Là, je suis devant un casino. J'ai envie de rentrer. J'appelle Joueur Info Service pour qu'il m'empêche de rentrer. Nous nous efforçons de donner suite à votre appel. Merci de rester en ligne. Là, je commence à franchir la porte du casino. Je sors les sous de la poche. Je sors les sous de la poche, Doc. Non, je sors ma carte parce que j'ai pas d'argent, mais je vais retirer au distributeur. Non. Et je les ai toujours au téléphone. C'est ouvert de 8h à 19h. J'ai retiré 500. Voilà. De 8h à 19h. Ah, c'est fermé. Ah bon, j'ai compris 8h à 2h du matin. 2h du matin. 2h du matin. Ah. Les appels sont anonymes. Johan ! Ouais ? On va te les passer en antenne, d'accord ? Merci. Ok, mon poteau ? Merci, mon poteau. Ouais, tu raccroches pas, Johan, ok? Ouais. On va lui passer directement le. Comme ça, il aura pas. Il aura directement la personne au téléphone. Par contre, si c'est à 2h du matin, bon courage, hein, Johan. Mais. Ça promet d'être long. Tu vas pouvoir avoir toutes les infos, en tout cas, et n'hésitez pas, vous pouvez aussi vous en sortir. On va quand même accueillir Jimmy, il avait un truc à dire là-dessus. Jimmy, il a 25 ans, il est à Saint-Brieuc, et il a été très loin dans les jeux. Tu restes avec nous, Johan, hein, bien sûr. Et Jimmy, on t'écoute. Bonsoir, Jimmy. Ouais, bonsoir. Vous entendez bien, hein? Oui, on t'entend bien, Jimmy. Raconte-nous. Ok, alors, bah, moi, en fait, J'ai démarré ouais, avec un prêt étudiant. À la base, c'était pour mes études. Ouais. C'était pour faire un BTS où j'étais parti. Bon, j'étais parti dans la Creuse, en fait. C'était assez loin. Et en fait, du coup, j'avais emprunté près de 12 000 euros. 12 000 euros pour ton prêt étudiant, et qu'est-ce que t'en as fait? Et bah, en fait, la moitié est partie dans les paris sportifs. Ok, t'as mis 6 000 euros dans les paris sportifs. En ligne, ouais. T'as gagné au début, non? Ouais, alors après, ça a été plutôt de l'acharnement. Ouais, bah après, t'as voulu te refaire. Voilà, mais vraiment de l'acharnement. C'est-à-dire, t'arrêtais pas de jouer? Au début, je jouais sur, on va dire, du foot, tout ça. Et après, ça partait sur des paris un peu, jusqu'à là, du ping-pong, quoi. Mais bien sûr. Mais c'est ça, c'est fou, ça. On a tous fait un pari sur un match qu'on connaît par cœur, et à la fin, tu sais, t'as perdu, et tu te refais dans la nuit sur un match qui se passe à Sao Paulo, hein, et tu mises sur une équipe brésilienne que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, hein, et au final, tu regardes le match en direct, et là, t'as perdu, quoi. Tu vois ton équipe perdre. Et le pire, c'est quand c'est à la 89e minute, quoi. T'avais gagné 500 boules, ouais. Le mec, il marque d'une tête, et là, t'as perdu 500 boules. Donc, c'est dur, ça. Jimmy, tu t'en es relevé, t'as perdu jusqu'à 6 000 euros. Mmh. Ouais, voilà. Donc après, c'était dans le prêt, hein, c'était inclus dans le prêt, on va dire. Mais bon, c'est quelque chose que je rembourse toujours aujourd'hui. Ah oui. Et c'est quand même emmerdant, quoi. Comment t'as fait pour t'en sortir? Pour pas continuer? J'ai trouvé du boulot, et puis maintenant ça va, on va dire. Enfin, je m'en suis sorti. Après, voilà, faut avoir du courage aussi, et puis jamais rien lâcher, quoi. Alors, en fait, c'est parce que tu t'es mis à travailler, parce que t'étais étudiant et t'as dépensé ça. Voilà, et en fait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire à cette époque-là encore. D'accord. Parce que bon, c'était il y a 4 ans. Et j'étais un peu perdu aussi par rapport à ça, quoi. Et ça a été une leçon. Je me disais, les études et tout, ça va donner quoi après? Mais bon, du coup, après, j'ai réussi à sortir la tête de l'eau, et voilà. Et il faut se faire aider, hein, de toute façon. Et puis aussi, je me suis mis au sport. Ça m'a bien aidé, ça. Trouver un boulot et faire du sport, c'est pas mal. Bien sûr. Et Johan, on va te souhaiter beaucoup de courage, en tout cas, pour ce qui t'arrive. Et surtout, là, tu arrêtes les frais, là. Ça y est, c'est fini, là. Stop. Hein? Et ouais, parce que, de toute façon, après, c'est un engrenage, hein. C'est ça. Après, c'est le début de la fin. Donc là, Johan, t'as pris du recul. T'as vu que t'avais fait une connerie. Là, t'en es à 800 euros. Ça pourrait être encore pire. Oui. Tu pourrais être à 8000 euros. Tu vois, et Jimmy, il était à 6000. Tu comprends, Johan? Ouais, je comprends. Ouais, puis t'as appelé. Tu nous le dis. Ça marque, t'as posé quelque chose, là. On prendra des nouvelles de Johan. D'accord, mon Johan? D'accord. Bon, merci d'avoir appelé. Bon courage à toi. Et sois fort là-dessus. Merci à vous. Hein, parce que c'est une addiction. Reste pas tout seul avec ça. Voilà. Ouais, carrément. Et puis merci beaucoup à Jimmy aussi, qui continue de rembourser son prêt étudiant à cause de ça, hein, justement. Merci beaucoup, Jimmy. Y a pas de souci. Salut le Briochin, salut la Bretagne. Salut. Salut Côte d'Armor, ça fait plaisir. Salut, bonne soirée. Salut le Costa Mauricain. Et rendez-vous dès demain sur Fun Radio. On sera là de 22h à minuit. Nous allons accueillir Matt. Bonsoir, ouais. Matt, applaudissements pour Matt. Eh ben c'est gentil tout ça, bonsoir tout le monde. Salut Matt. Bon, ça va bien? Bah, écoute, en pleine forme. Nouvelle semaine qui démarre, la dernière avant les vacances. Ouais. Alors, on sera une petite semaine de best-of là, la semaine prochaine. Et puis voilà, partie fun après. Exactement, avec le coup de cœur hardstyle pour terminer à 1h du matin. Oui. Avec le souvenir du soir qui date de 2006, tout à l'heure à 1h-10. Hop, c'est quoi ça? Souvenir de 2006. Ça pourrait être quoi? Un DJ américain. DJ américain. De Massachusetts. Ah ouais. Oui, ça me dit un truc ça. Ça dit un truc. Ouais, alors attends, donne encore un indice. Il est en train de chercher. Fatboy Slim? Non, pas du tout, non, il est anglais. Non, pas du tout, non. Attends. Ah, c'est marrant, je pensais que. Tiens, Alice est sur Wikipédia, direction Wikipédia. 2006. Je crois. Ouais. 2006, à l'époque, c'était quoi les tubes en 2006, putain? Il y en avait plein, tu vois. C'est Florida? Non, c'était après ça. Ouais. 2006, c'est vieux, putain, mais. Le mec s'appelle Armand, allez, je t'aide. Armand Van Delden? C'est le ça. Funk Phenomena? Non. Non, ça, c'était largement avant ça. My, tu vois, un truc qui s'appelait My, My, My, ça s'appelait My, My, My. Ah, My, My, My. Ouais. Ah, ouais. Ah, je plains les animateurs qui annonçaient ce morceau à l'époque à l'antenne sur Fun Radio, tu vois, Armand Van Helden, My, tu vois, t'imagines le truc, à force de le dire, au bout d'un moment. C'est bizarre, ça me rappelle un truc, j'ai dû peut-être l'annoncer. Ah, peut-être, ouais, à l'époque, ouais. C'était vieux, ça. À l'époque, où t'avais pas encore de cheveux blancs. Bon, allez. J'en ai, alors pour le coup, franchement, j'en ai deux ou trois, hein, tu vois. On dira pas où d'ailleurs. Alors, si tu commences à m'attaquer sur, on va plus t'applaudir, mon gars. Ah merde. Je te lis. Ouais, non, mais. Tout m'est pas ça. Je peux me servir de la vanne, c'est Kassim qui me l'a soufflé dans l'oreille, non? Ça fonctionnera pas parce que. Pas du tout. Kassim ne fonctionne pas comme ça. Mais enfonce-toi, Matt. D'accord, bon, party fun jusqu'à 1h du matin, c'est ça? À demain, allez, gros bisous, Matt. Et puis nous, ouais, on se retrouve dès demain sur Fun Radio à partir de 22h. Bonne nuit tout le monde. Bisous. Et à demain sur Fun Radio. Bye bye. Open your eyes for a new reality. Feel the beat. You're gonna live a magical night. You will discover a new sensation. Party fun.